divertissant. Vous êtes dans la zone 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Marie-Laurence Audet sera des nôtres pour nous dire pourquoi le loisir, c'est bien plus qu'un jeu. Et Stéphanie nous dira pourquoi c'est important de bien manger. Dans Monsieur Steph, assemblage requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. On t'en dirait des studios de 6 fois à Trois-Rivières en ce mercredi 26 novembre 2014. Tellement. Un mois avant le Boxing Day, comme on dit. Quoi? Un mois avant le Boxing Day, comme on dit. OK, j'étais comme... vendredi, Black Friday, on peut-tu en profiter, avec? Une chose à la fois, t'as le Black Friday, t'as le Cyber Monday, t'as sûrement... le... Titty Tuesday. Je sais pas, je connais pas les jours après ça, mais il y en a plein. T'sais. Ah! Ouais... Finalement. Donc aujourd'hui à l'émission, Steph, on a un plan quand même assez complet, je dirais. Une bonne recette. Hein? Mm-hmm. On a Marie-Laurence Audet qui va être avec nous à 8h30 pour sa chronique Le Loisir bien plus qu'un jeu. C'est la chronique Loisir, Culture, Tourisme qu'on fait avec elle chaque semaine. Toi, à 9h, t'es là pour Master Steph. Vraiment? Ben, je suis là. Présentement, t'es pas mal toujours là. Mais tantôt, je vais faire quelque chose. Ça ressemble à quoi cette chronique-là, mettons? On va manger. Ah, oh, wow! Simple de même! Quelque chose que j'ai fait. OK. Donc, c'est simple pour toi, oui. Mais pas tant pour moi. Ah, tu te casses le basic pour... pour toi. Pour le bien de nos auditeurs et de moi-même. Mm-hmm. Merci, Steph. Moi, autour de ça, je vais faire la chronique que j'ai manquée hier, une grosse pointe à l'adresse. Donc, on a ça à faire dans l'émission d'aujourd'hui aussi. Donc, on mange aujourd'hui. On mange aujourd'hui. Et non seulement on mange, mais en plus, on se crée des désirs buccaux. Parce qu'on a un petit spécial bouffe dans 5 semaines, ça devrait répondre là. Hein? Ça va pas, je m'en avec ça? Ça va pas, là? Non, pas en doute. Donc, on va faire ça dans quelques instants, ça existe. Mais débutons en musique avec une petite pièce, une nouvelle pièce récente, en fait, dans le palmarès. C'est du côté francophone, c'est sa 3e semaine de présence. Voici Machine Géante et l'effet Veuve Noire. Mmh. Ça, c'est fou, dans vos oreilles. Puis, bonne émission! Yeah. Machine géante et l'effet venoir, assemblage requis, oui. Grosse machine, une machine géante, Tu pourrais dire... plusieurs machines. Plusieurs machines géantes, c'est ça, c'est pas le nom de mon entre-gens, c'est pas... machine géante. C'est pas le nom non plus du Père Noël, hein? Au Pôle Nord? C'est quoi le rapport? Hein? Je sais pas, il est grand, il est gros, puis... Puis je sais pas, il fournit comme une machine, tu sais. C'est le même. C'est vrai. Il donne des cadeaux à tout le monde, tu sais. Ouais. Et ceux qui ont été sages. À ceux qui ont été sages. Et vous avez tous été sages. Toi, t'as été sage. Hein? Tout le temps. Tu mérites une chronique de sexisme, mais ça ne devrait pas, on l'a. Oh! Mais, hein? Ça existe, mais ça ne devrait pas. Là, c'est la chronique où on achète des choses sur Internet. Et comme c'est Noël qui s'en vient dans un petit peu moins d'un mois, on a dit qu'on était à un mois exactement du Boxing Day. Bon, on va s'acheter quelques petites affaires pour décorer un peu la maison et tout. Pour Noël. Parce que ça s'en vient. C'est bien. Ceux qui ont comme date mentale, il y en a qui vont dire, le 1er décembre, mon décor. Ils vont dire, des fois, ceux qui sont vraiment en retard, le 15 décembre. Non. C'est trop tard, ça. 1er décembre max? Ben, première fin de semaine de décembre. OK. Ben, commandez maintenant. Si on est mercredi, vous avez 2 jours shipping express de l'avoir vos décorations, c'est sûr. Ah. Donc, commençons avec des petites boules, flocons de neige pour votre arbre. Mais ceux qui trouvent que votre arbre, dans le fond, que leur arbre, pas naturel, les synthétiques, ne sentent pas assez le vrai arbre, c'est des petites boules de neige qui s'accrochent dans le sapin et qui diffusent de l'huile naturelle, huile essentielle. Ouais. De saveur, de senteur d'arbre. Ah! Hein? Donc, c'est les Snowflake Bubble Aromatherapy Ornament. C'est des petites boules de vitre. Et puis, là-dedans, il y a de l'huile essentielle. Et ça vient avec 2 onces de balsam fir oil, une sorte d'huile d'arbre, pour démarrer. Donc, tu peux le remplir. Ah, c'est chouette, ça. C'est quand même le fun. Donc, le lien est sur assemblagerequis.com. C'est très joli aussi. C'est cute. Ah oui, c'est ça. C'est comme une petite boule de verre. Mais c'est ça. Ça a l'air fragile. C'est ça, oui. C'est avec un chat, c'est peut-être pas l'idéal. C'est pas mal ça. Mettez ça le plus haut possible dans votre arbre. Ensuite, les lumières de Noël maintenant. C'est bien beau, là. C'est bien le fun, mais tu peux pas les contrôler à distance comme tu veux, tu sais. Ben non. Donc, on entre dans le 21e siècle avec les Lumen Play Lights. C'est des lumières, alors en fond, c'est 12 lumières LED, c'est des ampoules qui peuvent être contrôlées de façon interactive via une application gratuite. Ça peut produire 16 millions de couleurs différentes et on peut les barrer. On peut faire des transitions entre les changements de couleurs, faire un mouvement, donc pour faire vraiment un spectacle de lumière. Ça fonctionne à l'intérieur comme à l'extérieur et pas seulement pour Noël parce qu'il y a des combinaisons pour faire spécial genre la fête américaine, la fête canadienne, l'Halloween, les mariages, les fêtes, etc., etc. On peut les enchaîner les unes dans les autres, ce qu'on appelle Daisy Chain, jusqu'à 500 lumières qui peuvent s'allumer et s'éteindre à différents moments, réagir, jouer avec la musique. C'est fou, ça! C'est des Lumen Play Lights, c'est cool. Ensuite, on reste dans les lumières de Noël. Vous êtes au bureau, vous trouvez que c'est pas assez festif. Ouais, ça arrive, ça. Les patrons, des fois, sont pas dans l'esprit des fêtes. On pourrait dire que c'est des grincheux, là. C'est plate, ça, ces affaires-là. Donc, vous êtes dans votre cubicule et vous pouvez allumer vos lumières de Noël avec votre iPhone qui sont branchées de votre ordinateur à votre iPhone. C'est un fil pour charger votre iPhone qui éclaire comme des lumières de Noël. Ah, fait que tu charges ton iPhone en même temps? Oui. Ah, ben là, c'est cool, c'est ça. Le iPhone Merry Charger. Mary. C'est vraiment le fun! Donc, ça va charger votre iPhone 5 et plus avec un port Lightning et autre iPad. Alors, en fait, peut-être pas iPad parce qu'il y a pas assez de courant qui va passer dedans. J'imagine. Alors, peut-être pas l'ordinateur, oui. L'ordinateur, oui. C'est le bloc qui fournit le courant du iPad. Je dis n'importe quoi. C'est ça, c'est des couleurs, multicolores, tout ça. Il y a 10 lumières LED sur le câble qui mesure 46 pouces de long. On peut en acheter un sur ThinGeek pour $15 américains. Bref! C'est intéressant, ça. C'est gadget, c'est geeky, nerdy, peut-être même. Mais tu sais, ce qui est plat, c'est qu'il faut vraiment que tu mettes ça dans tes boîtes de décoration de Noël, puis tu peux juste t'en servir comme un mois par année. Ouais, non, c'est ça. Mais bon, mais tu sais, c'est parce qu'en plus, c'est pas impossible qu'à un moment donné, ils changent encore l'embout pour charger ton téléphone, fait que tu vas l'avoir utilisé 2 mois dans ta vie. 15$ dans les poubelles. Mais ça devrait être fait par la même compagnie que l'autre ensemble d'avant pour que tu puisses changer les couleurs. Donc, que tu puisses t'en servir à l'Halloween, puis à la fête du Canada, puis à la fête des États-Unis. T'sais? Là, c'est juste des couleurs normales, tu comprends? Ça pourrait être bien, mais c'est quand même une shape de lumière de Noël. Oui, c'est le petit, comme une goutte, là, si on veut. Ouais. En tout cas. Ensuite, tiens, à Noël, moi, ce que je ne connaissais pas, celui-là, si vous le connaissiez, tant mieux pour vous, mais c'est le jeu de mots que je trouve parfait. C'est un sapin, un Père Noël à accrocher dans le sapin de Noël, mais le Père Noël est aussi un centaure, donc c'est un centaure, comme Santa, puis centaure. Hey boy! C'est un jeu de mots. Le centaure. C'est Archie McPhee qui vend ça. Moitié cheval, moitié Père Noël. C'est hard, là. Il n'y a pas plus de détails que ça, mais quand même, je trouve ça drôle. Et on peut le voir tourner sur un GIF animé sur assemblagerequis.com. Ça coûte 15$. Mais il est vraiment laid. Il est vraiment affreux. Puis on dirait qu'il y a le devant comme shiny, shiny people. Genre super brillant, on dirait que c'est huilé. Le, ouais, ouais, le mais chest. Ils ont mis des abdos. Je sais pas si t'as remarqué que le Père Noël a des abdos. Là. Tu veux dire des abdos? Ouais, c'est ça, mais j'ai mal à la gorge. Ouais, c'est ça. Ensuite, vous mettez vos beaux chandos de Noël. Hein, ça, c'est le pluriel de chandail. Mm-hmm. Que vous avez acheté au magasin pas cher. Là, hein? Et vous êtes bien content d'avoir votre sweater des années 80 à la Bill Cosby. Ah, un chandail de laine. C'est ça, taille comme Billy Cosby. Sauf que votre chien, lui, n'a rien. Tu sais, il est jaloux. Tu penses? Ben, en tout cas, il veut être humilié lui aussi, tu sais, par ce look superbe des fêtes. C'est Funky Tales. Tales, oui, c'est ça. Ils vendent ces ensembles de chandos pour chiens et humains. Les deux vont ensemble, mais on n'a pas le même design exactement. Il y a comme une référence à l'un et à l'autre. Donc, mettons, on voit ici le chien court après ben oui, le. Oui, c'est le même dessin. C'est le même dessin. Mais il me disait pas qu'il y en avait un que c'était le chien qui se faisait attraper par le bonhomme de neige, puis l'autre c'était le bonhomme de neige qui se faisait attraper par le chien. Mais non, t'as raison, c'est le même design, c'est plate. Puis en passant, on dirait juste vraiment un chien très très laid qui zigne un bonhomme de neige. Ouais. C'est super laid. Pis ça a même pas l'air d'un chien. Ben, c'est qui tricote de même? Dans le fond, t'as vu, c'est ça, parce que je pense qu'il faut mélanger les designs si on veut avoir l'air différent, mais c'est que celui d'en haut, le chien est en train de signer le bonhomme de neige, en effet, et si tu descends pas mal plus loin, le chien tire sur le foulard du bonhomme de neige, donc tu pourras avoir un ensemble combo mix and match. Je pense que c'est ça qu'il veut le plus dire. Ben non, c'est parce que c'est pas la même couleur, ça fit pas. Non. Non, non. Je pense que... Non. Faut que t'aies le petit chandail qui fit, là. Allez-y au goût, mais ouais, en effet, 45$. Au goût, je te dirais de pas n'acheter. Pour 45$, je te dirais que je vais faire vraiment attention pour ne pas l'acheter. Là, parce que, les dessins, ils sont laids. Ça c'était, on dirait que c'est... Désolé. C'est l'œuvre de quelqu'un qui apprend à faire de la... Non, mais c'est quand même dur de tricoter ça. C'est tricot, c'est ça. Mais il n'est pas rendu au point de faire des chiens, mettons. C'est assez basic, mais bon. En tout cas, ensuite, on va retourner à l'extérieur, dehors. On va retourner aux lumières de Noël aussi, parce que quand vous installez vos lumières de Noël, il n'y a rien de plus difficile que de descendre l'échelle, tasser l'échelle, remonter l'échelle, installer ses lumières de Noël. Descendre l'échelle, tasser l'échelle, monter l'échelle, installer. C'est long, c'est ça souvent, hein? Ben, tout le temps, là, au moins jamais de ma vie, mais deux fois par année en moyenne, les gens, j'imagine, font ça. À peu près, oui. Moi, c'était un minimum et un maximum de zéro. Donc, la Light Vest de Village Lighting Company. Vous mettez vos outils à l'intérieur de votre ceinture, tout ce qu'il vous faut, et vous allez pouvoir affronter le froid et à décorer toute votre maison, peut-être, sans avoir à monter et descendre de votre échelle. Bon, évidemment, c'est sûr qu'il va falloir la tasser quand même, hein, à un moment donné. Mais au moins, vous sauvez une étape. Donc, la veste a deux pochettes pour rapidement sortir ces lumières de Noël. Donc, ça, c'est à l'arrière. T'as plusieurs des poches avec des zips. Mm-hmm. Et t'as un port audio pour ton téléphone cellulaire ou ton lecteur MP3. T'as différentes clips, straps et autres termes anglophones. Des trucs pour tenir plein d'affaires. Il y a aussi deux poches additionnelles qui sont avec clip. Donc, pour encore être plus pratique, mais vous allez voir sur la photo, le gars a vraiment une veste, on dirait une veste par balle. Oui, vraiment. Avec plein de poches, avec des pinces, des cutters. Et t'as vu dans sa poche à droite, il a ses lumières de Noël bien attachées. Sûrement qu'il a pris des lumières neuves pour pas avoir à les démêler en cours de route. Ben, c'est parce qu'il y en a qui sont capables de les ranger de façon intelligente. Ouais, mais j'en ai pas encore rencontré, donc félicitations à vous si c'est le cas. Mais vous pouvez voir, il y a une grande galerie de photos, il y en a au moins, je dirais, une 10-15 sur le site. Hey, il est mâle. Ouais, le gars, il pourrait être. C'est soit être dans la police, soit être pompier, ou soit être poseur de lumière de. C'est parce qu'il a la shape, tu sais. C'est un mâle. Ah, ouais. Ensuite, ça, le délice du temps des fêtes. Un des délices pour moi, c'est les cannes de Noël. Ça coûte pas grand-chose. T'aimes pas les cannes de Noël? Ben, j'aime ça, mais... Menter un peu, paperman. Ben, c'est bon, mais c'est parce qu'on se tanne vite, là, de là à dire que c'est un délice de Noël. Ben, il faut varier les saveurs. Moi, j'en avais trouvé au goût de, tu sais, les petites framboises en jujube. Ben oui. Là. Mais c'était malade, là. Wow. Des cannes de Noël au goût de framboise en jujube. Ah, j'en veux. C'est la vie. J'en veux. Mais ici, moi, ce que j'ai à te proposer, c'est des cannes de Noël à saveur de sauce brune. OK, on n'est pas vraiment dans le... Dans le même range. Non, pas hein? vraiment, non. T'en achèterais ça? Non. Jamais, parce que j'ai fait l'expérience de saveurs qui sont supposément originales comme ça dans bacon. D'autres choses. Mets ton bacon sur de la gomme, mettons, ça marchait pas du tout. Donc, ça me surprendrait que de la sauce brune, ça fonctionne sur une canne de bonbons, mais c'est les gravy flavored candy canes. C'est donc alléchant, ça vous met l'eau à la bouche probablement. Ça vient en boîte de 6. Parfait toute seule ou encore pour faire une petite blague à quelqu'un. Ouais, en la mélangeant. Ça peut être très drôle, ça. Tu mélanges une, c'est un peu comme les Doritos roulettes. T'en as une dans l'emballage. Ouais. C'est parfait, ça. Ah, en tout cas. Puis c'est fun, hein? Ils ont même pris la peine de dessiner une petite face en sauce. Oui, c'est la mascotte. Ouais. Oh. En tout cas. Ensuite, on va à la cuisine. En fait, on était sûrement déjà à la cuisine pour manger les cadres de bonbons, mais tu veux faire cuire des petites pâtisseries de Noël. Ben oui, fêtes. C'est sûr, je vais faire des biscuits, bûches de Noël. Pillsbury se force, il se fend en quatre pour me faire, pour moi, pas pour toi. Mais non, vraiment non. Pas. Non. Mais là, tu sors tes affaires du four, puis Colin, t'es là, puis t'es loser avec ta mitaine de four normale. Ben non, j'en ai une avec un petit règne dessus et des sapins. Mais c'est pas assez, Steph! C'est parce que j'utilise ça à l'année. Mais c'est celle que j'ai. Ah, ça, c'est correct, mais c'est pas assez pour les fêtes, Steph. Non, non. Non, il te faut le gant du Père Noël lui-même. Oh! La mitaine de four, excuse-moi, c'est pas un gant, là, un gant, ça a différents doigts. Donc, une mitaine de four avec de la petite fourrure sur le bord du poignet, comme le Père Noël, comme le vrai. Non, oublie ça, moi, je passe au feu. Avec le poêle? Ah, c'est clair. C'est genre, tu mets sur le rond puis ça pogne en feu, je sais pas quoi? C'est clair que je pogne en feu avec une mitaine comme ah, ça. Ah non. Oh oui. Oh non. Ouais. Je suis genre à brûler des choses. C'est le Santa's Glove Oven Mitt. Parfait pour garder vos mains en sûreté alors que vous faites des biscuits pour peut-être le Père Noël qui va venir les manger. Tes mains, mais pas ta cuisine. Pas ta cuisse. Je pensais que c'était pas ta cuisse. Si ces gars-là vous font ses cuisses, ben félicitations à vous. Si vous avez pas de reste de jambes. Ben ouais. C'est ça. Ensuite, mais on vous juge pas du tout. Ensuite, c'est pour ceux qui ont beaucoup trop de budget pour acheter beaucoup trop de cadeaux ou encore qui sont tellement cheap qu'ils achètent beaucoup, beaucoup de cadeaux pas chers. Et donc, ils ont besoin de beaucoup de papier pour envelopper ces cadeaux. Non, je pense que ça, c'est plus pour les gens obsessifs compulsifs. Ouais. Qui font comme « Ah, le papier là, il est beau! Ah, le papier là, il est beau! » Puis ils veulent pas emballer un seul cadeau dans le même papier. C'est vrai. Et ensuite de ça, ils veulent pas avoir des restants de rouleaux pas attachés avec rien dans leur garde-robe comme la plupart des gens ont à quelque part. Donc, c'est l'Ultimate Gift Wrap Storage Bag. C'est un sac pour emmagasiner et bien garder à l'épreuve de toutes les éventualités de la vie vos emballages de papier, vos petits choux, vos rubans, vos ciseaux, vos papiers collants et tout ça organisé de façon accessible sans avoir à se casser la tête. Donc, le sac lui-même est fait de polyester heavy duty et de PVC résistant à l'eau pour empêcher les contenus, bien sûr, de se faire écrapoutir ou encore mouiller. Et dans le couvercle, dans le dessus, il y a assez de place pour mettre des rouleaux doubles de papier, deux contenants enlevables, des pochettes genre de tissu flexible et des roues pour transporter facilement. Mais c'est génial, carrément! Hein? Ah, c'est parfaitement fantastique et pas nécessairement juste pour l'emballage papier. On pourrait sûrement mettre d'autres affaires là-dedans, mais quand même. Non, c'est vraiment juste pour ça. Juste pour ça? Ça pourrait pas être pour des consoles de jeux vidéo avec des... Je sais pas, n'importe quoi, ça pourrait être n'importe quoi. Parce non, que les parties sont enlevables, c'est qu'il faut. Tu peux emmener juste une... Non! Non! C'est fait pour des papiers brise d'emballage. Brise pas la magie! Non. OK! Bon... C'est tout pour cette première partie de Ça existe, c'est le bloc Noël. Ben oui, tu brises la magie en finissant. Excuse-moi, le Grinch, rabat-joie. Toi, je... Mais c'est pas grave parce qu'il y a une autre partie tantôt. De Noël? Non. Ah bon, non, mais rien savoir d'abord. Encore meilleur, Steph, je t'agace un petit peu, je te titille. Tu m'agaces. Je te... une partie sur l'alimentation. On va manger et boire, mais des pas... Des choses de Noël? Ouais, si on veut. On peut se les commander pour Noël. Tu sais, tout peut être Noël si tu te forces un peu. Oui, t'as bien raison. Si tu mets un petit peu de colorant rouge puis vert, là, puis voilà. Soudainement, it's Christmas! Yeah. On va l'entendre une pièce du palmarès anglophone, c'est The Pack 80 avec Cellophane, l'ancien numéro 1 de la semaine passée, ce qui veut dire que je viens de voler le punch des palmarès c'est fou qui ont lieu mercredi après-midi, 14h aujourd'hui. C'est ce que je viens de faire. Rabat-joie, je te l'ai dit! Ah, c'est terrible. Fuck Noël! A joke for sure. Pacady et Cellophane. Au retour, ce sera la suite de Sex Pistols, ça devrait répondre là. On a aussi dans la prochaine demi-heure une grosse pointe d'adresse, probablement ça va être là. Marie-Laurence Audet s'en vient à 8h30. Master Stéphane Havard. Ça va être jusqu'à l'extase, finalement. Ça va monter d'un cran à chaque fois. Pis là, je te gâche que l'émission va finir, là, puis tu vas encore péter la magie. Hein? On verra. Fou d'exploration. C'est fou. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. On est mercredi matin. Le mercredi matin, ce qu'on fait chaque semaine, c'est qu'on achète des choses qu'on devrait probablement pas acheter. Mais que voulez-vous, on est faible. Oui. Moi, en tout cas, je le sais, je suis faible et je m'assume. Ah, totalement. Comme un thé... Tu sais bien de t'assumer. Comme un thé pas trempé assez longtemps, tu sais. Je suis très faible. Parce que moi... Mais si c'était trop longtemps, ça serait amer. Oui, puis je suis pas amer du tout. Fait que des fois peut-être haineux, hargneux, mais pas amer. C'est la suite de Ça existe, mais ça ne devrait pas, là. Ça existe, mais ça ne devrait pas. Là, bien sûr, la chronique où on achète des choses inutiles. Et cette fois-ci, on vous fait un petit bloc sur la bouffe, tout ce qui est à boire et à manger. Cool. Oui, ça va être le fun. On va commencer avec une gigantesque cuillère à crème glacée. C'est des cuillères avec le petit bouton qu'on peut appuyer pour relâcher la boule en forme de boule. Ouais. Bien sûr, donc on connaît ça. Mais quand on vous le dit, bon, vous avez droit seulement à une boule de crème glacée. On fait tous, Colin, tu sais. C'est pas assez, hein? Ben avec celle-là, ça va faire le pot de crème glacée au grand complet, tellement elle est grande. C'est vrai? C'est la super-sized ice cream scooper. Tu peux prendre une pinte de crème glacée au complet en un seul mouvement. Donc, c'est gargantuesque. C'est construit en Allemagne à partir de... en anglais, chrome-plated sturdy brass. Ça doit être un bon produit, hein, parce que tout le monde sait que les Allemands font juste des bons produits. Comme Vince disait dans la publicité. De, dans ses infos publicités. Haute qualité, c'est du stainless steel, acier inoxydable 18-10. Je connais absolument rien à ça. 4 pouces de diamètre. Donc, pour prendre pas mal votre... En tout cas, au moins le bol de crème glacée au complet, mais ça dit une pinte, donc. Il y a mis ça sur un cornet. Le cornet, il a l'air minuscule. C'est tellement un petit cornet. Je pense pas que ça va marcher. Mais bon. On voit que la main de la personne est de la même grandeur et plus... Oh, c'est ridicule. C'est vraiment gigantesque. Ensuite, du café. C'est bien bon. Du café, on aime ça, à date. Ça ben oui, tient. J'adore ça. Si je t'ajoute du bacon, t'aimes ça, à date? Ouais. Ouais, avec le café. Mettons indépendamment. Mais dans un déjeuner, c'est vrai qu'on boit du café, on mange du bacon. Ouais, et, ça va. Et il y a du sirop d'érable autour de ça. Est-ce qu'il y a des œufs, des petites patates? Pas de non. J'avoue. Non? Un petit peu de ketchup avec les patates, là, ça ferait un drôle de mélange aussi. Ma mère met du beurre sur ces petites patates isolées. Je la comprends. Je sais pas, je pense que je l'ai sûrement jamais fait, mais j'en mets sur mes patates de toutes les autres sortes de patates. Là. Ouais. Fait que c'est une bonne idée. Ouais. J'approuve. C'est mal approved. Donc, c'est du café à l'érable et au bacon. C'est à ça que je voulais en venir. Donc, c'est pour mélanger tout ce qu'on mange dans ce déjeuner. C'est le Boodley Coffee Company qui a donc capturé cette essence. C'est de la saveur de bacon à l'érable qui est versée sur des grains de café torréfiés lentement, un peu comme du sirop. Et là, on surveille tout ça pour qu'il y en ait vraiment dans chaque craque de vos grains. Mm-hmm. Ça a l'air peut-être bizarre, mais votre maison va certainement sentir le déjeuner, peut-être la cabane à sucre, si on veut, pour seulement 19$ chez Boodley. Ah! Ça a l'air vraiment bon, ça. Pourquoi pas? Avec un petit croissant, comme sur l'image. Là. Moi, j'en prendrais, c'est certain. Ensuite, on reste dans le bacon. Si vous avez déjà vu... On reste dans le domaine du bacon, tu fais bien le préciser. Tu te rappelles le gag, le meme sur Internet qu'on voit très souvent? On montre une machine, un séchoir à main, qui a le petit symbole d'appuyer sur un bouton pour envoyer de l'air, sauf que... Oui, de l'air chaud, hein? Les gens marquent souvent, genre, appuyer sur le bouton pour recevoir du bacon, parce que le vent ressemble à du bacon. Oui, mais le dessin de bacon. Le dessin de bacon, mm-hmm. C'est des petites tranches gondolées rouges pour représenter la chaleur. Donc, on s'est inspiré de ça. C'est pas un produit qu'on peut acheter, malheureusement. Je vous avertis à l'avance pour pas vous décevoir à la fin. Mais c'est le Push Button Receive Bacon par The Rabbit Hole. C'est des gens du Minnesota dans un hackerspace qui ont changé ce meme en vrai truc lors de l'événement Maker Event, le Deconstruction Maker Event, pardon. Donc, le Rabbit Hole n'utilise pas, malheureusement, un séchoir à main pour faire cuire son bacon. On utilise à la place une imprimante laser avec le fuser, qui est une partie de l'imprimante laser. Le fuser, qui est un tube avec une lampe à l'intérieur. À l'origine, le fuser, ce que ça fait, c'est que ça chauffe le toner dans une cartouche de toner et ça fait fondre le toner sur le papier pour faire imprimer. Donc, le fuser peut aller jusqu'à 450 degrés Fahrenheit, mais étant donné que ça couvre pas une très, très grande surface à la fois, il faut passer plusieurs fois pour faire cuire quelque chose dedans. Donc, le groupe, au départ, voulait ajouter une déchiqueteuse à papier à la machine pour faire des bacon bits, des morceaux de bacon. Ils ont abandonné l'idée. Mais quand même, si vous allez dans la vidéo à 2 minutes 55 du début, vous allez voir la machine fabriquer du bacon. C'est ça, c'était plus... dans le fond, c'est pas... on disait au départ que c'était push button, receive bacon. Eux, c'était plus genre... défaire une imprimante, tester les parties, les modifier, assembler, tester, faire les ajustements et finalement, à un moment donné, recevoir du bacon. Mais quand même, vous pourriez potentiellement vous-même faire cette même chose à la maison. C'est très cool. Oui. Ensuite, la gomme qu'on achète en magasin, hein? Ouais, hein? C'est rempli de mauvaises affaires. Ben oui. Plus de 80 ingrédients, savais-tu ça? Qui sont listés comme base de gomme. Maintenant, on a Simply Gum qui offre une façon de mâcher de la gomme sans culpabilité. C'est la seule marque en Amérique du Nord qui utilise 100% des ingrédients naturels sans aucune rien de synthétique. C'est complètement pur et on peut la retrouver en plusieurs saveurs, dont menthe, cannelle, gingembre, érable, café et même à la réglisse. Gingembre. Tout de suite, j'en veux au gingembre. Et moi, tout de suite, à l'érable, bien sûr, et au café. Et à les deux en même temps, une de chaque barre de la joue. J'attends que le jus se mélange dans le milieu de la bouche. Ça va être écœurant. C'est Simply Gum. Ça a l'air, je trouve, assez attirant, tout ça. C'est très beau, c'est très esthétique. Oui, c'est joli, c'est bien fait. Ensuite, maintenant, un kit pour faire son bacon soi-même. Hein, ça se peut. C'est un truc genre, t'as un bébé cochon. T'as un bébé cochon, exactement. T'as l'arme qu'il faut pour le tuer, l'éventrer, tout ça. Non, c'est pas ça du tout, en fait. Si vous êtes vraiment un connaisseur du bacon, le Bacon Making Kit de Williams Sonoma est pour vous. Donc, c'est avec, évidemment, on reçoit... on reçoit pas. Je crois qu'il faut utiliser sa propre viande, parce que je la vois pas sur la photo. Mais on utilise des épices pour faire votre propre bacon. Donc, il y a du sucre de noix de coco, t'as du poivre noir concassé, du sel de mer en flocons, et plusieurs recettes qui sont incluses. Pour chaque kit, dans le fond, que vous achetez, vous allez en avoir assez pour faire 2 livres de bacon croustillant. Tu vois qu'il y a le petit truc pour la température, le petit pic là, de température. Oui, un thermomètre. Comme on appelle dans le domaine. Un livre de recettes, la petite boîte, les flocons de sel, le sucre de noix de coco et le poivre concassé. Tout ça dans des sacs indépendants. Ouais, mais admettons que tu as déjà tout ça à la maison. Ben évidemment, là, tu fais juste trouver des recettes de bacon. D'accord. J'imagine. Je pense pas que tu puisses te commander seulement le guide de recettes, à moins que je me trompe. Mais... Ouais. Non, mais là, tu sais, c'est comme si je te propose un produit et tu me dis, ouais, puis si je l'ai déjà, ben tu l'achètes pas. Non, mais c'est parce que là, ils te vendent ça en kit alors que, tu sais, il y a rien qui leur appartient vraiment sauf les recettes. La petite boîte de carton. Oui, elle était jolie. Avec un petit cochon dessus. Encore une fois, s'ils te fournissaient le cochon, bon point, tu sais. Ce serait vraiment parfait. Ça prend un cochon. Tu sais, en bonus gratuit. Au pire, ils pourraient mettre un embryon de cochon dans la boîte. Ben oui. Là, il faut que tu le fasses. Évoluer comme un Pokémon. Oui, ce serait vraiment ça à coche, hein? Cochon. Ouais. Okay. Moi, je la laisse tomber, ça. Une carte de souhait, Steph. Uh-huh. C'est bien le fun à recevoir, une carte non. de souhait. Non, t'aimes pas ça? Moi non plus, j'en donne pas vraiment. Mais là, tu me dis, mais t'étais pas dans un bloc thématique sur la nourriture, hein, Mathieu Plante? C'est vrai, ça? C'est vrai. Ben, Colin, mange donc ta carte, hein? Hey, t'es bien vulgaire. Ouais. Mais fais attention, évidemment, de ne pas te faire un pepper cut dans le milieu de la gorge, dans l'œsophage. Donc, c'est Eat the Fried Print, une compagnie qui fabrique et vend des cartes de souhait à 100% mangeables. Il y a 4 saveurs différentes, bleuet, sorbet à l'orange, key lime, comme la lime des tartes des keys, et les fraises. Donc, c'est les 4 saveurs. Chaque carte est végétalienne, sans gluten, sans soya, sans produits laitiers, contient seulement 42 calories par carte, Steph. Ah, c'est intéressant. C'est fun, hein? Donc, mettons, tiens, une carte, un exemple. Une carte à la lime. Hein? OK. Ça va dire, je t'ai fait une tarte dessus, mais ça n'entrait pas dans l'enveloppe. Donc, mange, enjoy the slice, mange cette pointe de gâteau, qui est la carte, tu manges la carte. C'est avec cool, un beau dessin de tarte à la lime. Ben voilà, l'autre au bleuet, c'est un... comment dire, un verre, c'est une coupe de martini. Martini. Ouais, mais avec des bleuets. Dedans. Et ça dit « Cheers! » etc. Il y en a plein. Ah, il y a même « I love you », mais le « love », le cœur, c'est une phrase en forme de cœur. Ah, c'est-tu cute! C'est le fun. Ensuite, quand tu manges de la soupe, par exemple, mettons de la soupe au pois, Steph. Okay? Pour vrai, tu me dis ça? Exemple, t'as fait de la soupe au pois. C'est ça que j'ai mangé hier. Ah, quel hasard! Mais que là! Tes cheveux sont longs, Steph. Ouais. Tu me diras c'est quoi le rapport, mais peut-être que t'as échappé un de tes nombreux cheveux noirs dans ta soupe au pois. Mais c'est pour ça que je m'attache toujours les cheveux quand je mange. Ouais. Mais là, ça va pareil. Tu vas le voir dans ton bol de soupe, clairement. T'sais. Ouais, mais, oui, moi, ça, oui, moi, on va le voir. Toi, on le voit. Mais si tu à vas la le place... sentir longtemps aussi. C'est dégueulasse. Mais si à la place, t'avais échappé un cil dans ta soupe, ce serait un petit peu moins le fun. Puis là, tu te ramasserais avec un cil sur le bout de la langue. Ça m'empêcherait de surlutter. C'est exact. Tu vivrais un malheur, un cauchemar, mauvaise heure. Donc, comment faire pour trouver ton cil dans ton bol de soupe? C'est avec cette magnifying spoon, Steph. C'est une cuillère qui est aussi une loupe. Ah! Hein? Quelqu'un a pris le temps de construire ça. On sait pas encore combien ça coûte, mais on peut contacter la petite boutique en ligne pour savoir et s'en faire une. C'est chez Object Solutions. Et donc, vraiment, c'est ça. C'est la cuillère est une loupe et le reste est attaché à un morceau d'acier inoxydable. Donc, c'est pareil comme une cuillère. C'est les deux. Ça n'a pas vraiment besoin de plus d'explications. Il y a une vidéo pour vous montrer, mais je pense que ça vaut la peine d'aller voir la vidéo pour le talent d'acteur. Ah oui, hein? Du gars. Okay. Ouais, ouais, mm-hmm. Ouais. Aucune ironie. Totalement blasé dans son jeu. Crédible et blasé. Ensuite, vous trouvez que le monde bouge trop autour de vous? Steph, tu trouves ça? Oui, surtout à l'épicerie. Surtout à l'épicerie, oui, c'est vrai, tout à fait. Tu pourrais t'arrêter en plein milieu d'une allée et te sacrer un sac par-dessus la tête avec Nutshell. Tu pourrais aussi faire ça au bureau. C'est une genre de mini tente vraiment très très personnelle. C'est comme une bulle. OK. Tu mets ça sur toi. Donc, c'est y en a plein d'autres, des produits qui existent comme ça. Il y a des chambres d'isolation dont on a parlé dans les précédentes chroniques. Mais notre chose, c'est une tente qui se déplie autour du haut de votre corps et vous permet de bloquer le monde extérieur. Ou en tout cas, la partie visuelle, parce que ça bloque évidemment pas le son. Ouais, c'est peut-être pas l'idéal à l'épicerie, là. Tu vois pas où tu t'en vas. Ah non, mais tu sais, des fois, il y a des gens qui font pire que ça, les épiceries, on sait pas ça. Donc, vous pouvez prendre une pause et vous empêcher de socialiser complètement. Allez-y, Nutshell, c'est un produit, un projet, en fait, qui vient de l'école School of Visual Arts. Donc, c'est à New York. C'est un étudiant en design, Eden Liu. Donc, pour l'instant, ce n'est pas commercialisé, mais éventuellement, ça pourrait l'être. Une tente pour la tête. Mais c'est parce qu'admettons que tu fais ça au bureau, puis là, tu te couches justement sur ton ordinateur portable. Ouais. Qui t'essaie de travailler ou de faire quelque chose dans le privé. Puis là, c'est clair que quand tu sors ça, les gens sont comme hein, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te faire achaler. Hein? C'est clair. Je sais pas si ça me fonctionne vraiment. En tout cas, pas les premières fois. Faut que t'expliques, hey, quand je sors ça, c'est parce que je veux la paix. Mais tant que t'as acheté ça, moi j'achèterais parce que pour évidemment, là, on a dit que c'était pas commercialisé. Mais ce qui est commercialisé, c'est le ostrich, qui est l'affaire que tu te rentrais dans le bras. C'était comme un oreiller sur lequel tu peux dormir. Ça te couvrait la tête. Il y en avait un qui couvrait le bras, c'est le ostrich 2. Puis le Switch 1, c'était pour te couvrir la tête. Tu couchais sur... Oui, mais ça te permet pas de faire autre chose dans ta petite bulle, là. C'est vrai. Alors que là, tu pourrais lire un livre dans ta tente. C'est ça, là. T'es pas obligé de dormir, là. Tu peux faire plein de choses. Tu peux t'allumer une petite lumière à tout, là. Ben oui, mais pas oui. Un briquet. Dangereux. Ben non. Les gens, des fois, faut tout leur dire. Oh, j'espère qu'ils vont l'écrire sur l'emballage. J'espère. Comme sur le séchoir, ne pas utiliser sous la douche. Tu sais, il y a des trucs... Ne pas faire de feu de camp dans la petite tente. Non. Mais par contre, peut-être que vous pourriez vous faire, je sais pas, des guimauves ou encore manger des noix. Tu sais, c'est bon autour d'un feu, les noix? Oui. Mais là, quand t'arrives pour te casser des noix, là, on parle pas des vidéos sur YouTube, de drôles de vidéos, genre de quelqu'un qui se fait casser des noix. On parle vraiment de casser des noix, littéralement. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. Ça ressemble à un... tu sais, les springs sur le bord d'une porte, hein, en bas d'une porte, pour empêcher de claquer contre le mur, la poignée. Ouais. Hein. Ben, ce genre de ressort-là. Là. Mais pour casser des noix, Steph. Hein? Je te jure, c'est c'est la même chose, sauf que le bout en bas est un petit peu plus large. En fait, pas mal plus large, c'est la grosseur d'une grosse noix. Là. Et au sommet de ça, t'as une bille noire, j'imagine, de plastique. Et quand tu... et dedans, il y a un poids dans le truc. Et quand tu lèves le ressort et que tu mets ta noix en dessous, évidemment, de tout ça, et que tu lâches le ressort, ça va venir frapper la noix et la casser. J'imagine, faut que tu tasses tes doigts. Ben en fait, tu peux pas vraiment te faire mal parce que le dessous a des petites encoches, si on veut, pour tenir le ressort. Okay. Qui sont assez éloignés du truc, donc tu tiens par ça. Et ça t'empêche, tes doigts sont automatiquement à l'extérieur du champ de tir. Génial! De ton nutcracker, si on veut, de ton casse-noisette. Donc pour l'instant, c'est seulement au Japon. Donc vous allez devoir payer comme quelque chose comme 70$ sur Amazon pour en avoir un en Amérique du Nord. Mais c'est chez Red Dot Shop qu'on l'a en stock pour le montant très typiquement français de 20€. Donc ça, c'est sur Red Dot Shop. 70$ américain. C'est un montant européen. En fait, pas nécessairement français. Je pense même que c'est pour ça qu'ils ont choisi le nom. Je pense que c'est parce que c'est européen. D'après moi. D'après moi, il y a un lien entre euro. Puis euro. Ça n'a pas rapport avec, mettons, être heureux d'utiliser ça, ou encore que c'est à eux et qu'ils font des euros comme c'est euro. Non, je pense que non. C'est sûrement à cause de l'Europe. Me semble que oui. J'ai lu ça quelque part. Mais... Ah, on l'étire-tu ce gag-là? Ensuite, c'est difficile de nos jours de voler en avion, Stéphanie. Oui, surtout quand t'as pas eu moyen de te payer un billet. Ben clairement, donc on doit faire la ligne, la queue, comme on appelle. Encore qu'on a parlé de noix, il faut parler de queue par association. Donc évidemment, les gens sont de mauvaise humeur, il y a plein de vérifications de sécurité, etc. À l'époque, dans le temps de Mad Men, mettons, c'était pas mal plus facile. T'étais en avion, t'avais ton petit cocktail à la main, tout le monde était bien heureux. T'as tout plein de place, il n'y avait pas de problème. T'sais. On peut revenir un peu à cette époque... civilisé, je dirais, en amenant dans l'avion le Carry-On Cocktail Kit, qui vient de deux compagnies. En fait, c'est le W&P Design and Punch. W&P Design et Punch, deux compagnies basées à Brooklyn, à New York. Le kit, dans le fond, c'est une canne d'aluminium, j'imagine, une carte de recette, une petite cuillère, un brasseur, des trucs aromatisants, du sucre de canne, donc vraiment du sucre pur, là, du vrai, du bon sucre, et un sous-verre. Donc, ça contient assez de mélange pour créer deux old-fashioned. Deux cocktails old-fashioned, Steph. Hein? Donc, tout ce qu'on a besoin, c'est une mini bouteille de bourbon qu'on peut acheter soit dans l'avion, j'imagine, ou peut-être dans les petits magasins duty free. Hein? Duty free. Donc, on mélange les ingrédients, on s'assoit et on se rappelle de l'époque plus civilisée des avions. Évidemment, comme il n'y a pas de liquide en tant que tel et que les bouteilles d'alcool sont vendues dans l'aéroport, donc c'est déjà pré-approuvé. On n'aura pas à passer par les vérifications de sécurité à cause du liquide que tu aurais amené dans le kit ou à la maison. Donc, c'est le Carry On Cocktail Kit. Ça coûte 24$ sur le site web de Carry On Cocktail Kit. Et les vendeurs du produit assurent, garantissent le passage par les points de sécurité des aéroports. Je trouve ça trop compliqué pour rien, moi. Tu trouves? Moi, je trouve que l'idée est vraiment bonne. C'est comme du Tang, mais à la place c'est du jus d'alcool. C'est le fun. Ensuite, Colin! Voilà un des nombreux articles probablement que j'avais pas remarqué qui était dans le bloc thématique des fêtes. Mais je l'ai mis dans le bloc nourriture. Parce qu'en tant que tel, c'est les deux. Tu comprends ça? OK, ben c'est correct. C'est correct ou c'est les deux? J'avais le droit de le mettre dans celui que je voulais. Mais je trouvais que les fêtes avaient priorité sur la nourriture. Donc, pas grave, on est quand même dans la même émission. C'est vrai, dans la même vie, dans la même journée, dans la même heure. Donc, les fêtes sont commencées. Le 1er décembre, Steph, ça va être l'Avent qui va commencer. Oui. Donc, le calendrier de l'Avent avec les petits chocolats dedans. Il y en a avec des thés, je pense. Il y a plein d'affaires comme ça, le calendrier de l'Avent. Il y en a plein. Bref. Je sais pas. Mais, si on avait un avec, pour les alcooliques, de la tequila. Hey. Le calendrier de l'Avent de la tequila, Steph. C'est cool, ça. C'est le Tequila Advent Calendar qui donne 24 échantillons de tequila de très reconnues marques telles José Cuervo, Patron et Arrête. Arrête avec tes questions. Donc, ce qu'il y a derrière chaque porte est une surprise. Ou sinon, vous pouvez avoir les détails avant l'achat si vous le désirez vraiment. Et puis, vous allez rendre les journées froides qui dirigent vers Noël beaucoup plus intéressantes. C'est vraiment cool. Ça fait différent. Combien mettrais-tu sur un calendrier de l'Avent à la tequila? Ça doit être quand même dispendieux. Oui, c'est de l'alcool. Là. 50$. Plus encore. Mais plus non, encore. Tu m'as demandé combien je mettrais. Ok, oui, c'est ça. Je vais te dire 50$. T'as raison. Combien tu penses que ça vaut? Ça, j'en ai aucune idée. 235$. Hein? Ouf. Moi qui ai trouvé que le calendrier de l'Avent de Kinder à 10$, c'était cher. Hey, j'en veux. Kinder, pour vrai? Oui, t'en as des gros de Kinder en fond de maison. T'en as de Lind aussi. Qui sont, tu sais, c'est clair que c'est hallucinant. Ah, il faut les deux. Mais écoute, je sais pas si t'as vu ça. C'était à la pharmacie. Tu sais, tu connais les petits emballages de chocolat Lind ronds, là? Oui. Donc, c'est des petits chocolats ronds emballés style bonbon. Oui. Il y en a des géants. Hein? Mais des gros, comme un ballon de soccer. Quoi? C'est un gros Lind emballé comme les minuscules, mais gros comme un ballon de soccer. Ben ça non. Vaut 30$. Ben non. J'en ai demandé un Noël à mon chum. J'ai dit, je veux ça. J'ai pété une crise dans la pharmacie. J'ai fait le bacon à terre. Génial, Steph. Imagine-tu le gros Lind, tu le manges à la cuillère. Ben parce que le milieu doit être mou comme un vrai lin. Ben c'est ça. Ah. Imagine comme tu manges comme un melon d'eau là, coupé en deux. Hey. Tu peux pas étirer ça sur plusieurs jours. T'as pas besoin de le manger dans la même soirée. Je pense que je ne souperai pas. Tu dînes pas, tu déjeunes pas. Fuck off, tu manges ton lin. Tu trouves une bouteille de vin, tu manges du lin. Ah, le bonheur. Ah, ça beau c'est... plan pour la fin de semaine, ça. Tu fais ça le 25. Ah, wow. OK. Ensuite, merci de m'avoir renseigné là-dessus. on parle de thé maintenant. Thé, okay, quelque chose ouais. Qui t'intéresse. Ben oui. Ben oui. Maman. Mais des fois, ça se pourrait que t'aies à boire du thé seul. Ah, ça, c'est triste. C'est triste. Puis là, ben, t'es pogné avec une théière complète. Tu sais? Ben oui. D'eau chaude. Tu sais, puis là, avec ton thé dedans, puis là, ben, ça se dilue. T'en as trop, t'en as pour la nuit et le lendemain, ça n'a pas d'allure. Donc, quand t'es seul, il te faut le Tea for One Teapot de Richard Hutton pour Droog Lab. Donc, c'est une théière céramique. Chinoise, qui a d'abord été tranchée en deux à l'horizontale. Donc, on a seulement le dessus de la théière. Sinon, elle a l'air de couler dans la table. Donc, c'est minimaliste. C'est fait pour être joli. C'est fait pour faire parler les gens. C'est fait pour économiser de la place dans votre cuisine. Et ça fait encore une fois juste assez de thé pour une seule personne. Parfait pour le bureau, les étudiants peut-être, ceux qui veulent savourer une tasse de thé en solitude. Mais oui, c'est drôle, on aurait pensé à juste une mini théière. Ben oui. Mais non, ils l'ont juste coupée en deux. Elle est aussi large, mais oui. Juste... moins haute. Je sais pas si c'est aussi facile à prendre. Je sais pas, on dirait que le contrepoids de la chose a l'air bizarre, mais non, hein, ça fonctionne bien, je sais. Aucune idée. C'est beau, en tout cas, c'est très beau. Oui, c'est vraiment beau. Ensuite, On n'aime pas faire des traces de bouteilles, de verres sur sur sa table à la maison. Hein. Ça fait des cercles des fois. Ben oui. C'est pas le fun sur du bois. Donc, il te faut toujours un sous-verre. Mais un sous-verre, c'est plat parce que ça fait pas assez d'affaires. Ça fait juste être en dessous d'un verre, ça dit dans le nom. T'sais. Exactement. Et là, t'es tout à la recherche de trucs pour ouvrir une bouteille de bière. Un débouche-bouteille, un ouvre-bouteille, si on veut. Mm-hmm. Et là, il est dans le tiroir, faut aller le chercher. Puis là, c'est comme, faut aller chercher ton sous-verre, faut aller chercher ton... Là, ça fait trop de job. Faut que tu marches. On est trop paresseux, donc on se cherche des façons de combiner, de fusionner des produits ensemble. Donc voici le sous-verre ouvre-bouteille, bien sûr. C'est le two-in-one wooden coasters. Encore une coche de plus parce qu'ils sont en bois, ces sous-verres-là. Donc, totalement rustique. C'est quand même drôle. Tu veux pas faire de cercle sur ta table en bois, mais sur tes sous-verres en bois, il n'y a pas de problème. J'espère que c'est ciré pour eux. Donc, c'est fait à la main. Ciré. Pour pas que ça fasse de marque. Ciré. Comme un deck. C'est plus vernis que ciré, non? Ah, t'as raison. Le mot, c'est vernis. Totalement. Okay. T'as bien raison. Donc, c'est fait à la main à partir de bois, de véritable bois. Avec un ouvre-bouteille très pratique juste en dessous. Le seul désavantage, c'est que les gens maintenant vont, s'ils volent votre sous-verre, ils volent aussi votre, votre débouche-bouteille. Mais bon. Ensuite, on est dans le très très simple en ce moment dans cette chronique alimentaire et on est alimentaire par la bande avec un cadeau, tout ce qu'il y a de plus geeky et qui va plaire aux amateurs de café ou de différents liquides et de jeux vidéo. Donc les deux ensemble, faut absolument être fan des deux. C'est une tasse qui ressemble plus à un verre, je te dirais, sauf que les anses de la tasse sont deux parties d'une manette de PlayStation, ben en tout cas, imitation. Wow. Donc, d'un côté, t'as la croix directionnelle et le joystick, et à droite, t'as les quatre boutons et le joystick, et en plus, les boutons de gâchette sur le dessus de la manette. C'est PlayStation 3. PlayStation 3, ben oui, évidemment, bien sûr. Parce que si t'étais une manette de PlayStation 4, il y aurait un petit écran, mais l'écran serait dans la tasse, parce que là, c'est le milieu de la manette. C'est plus un touchpad qu'un écran. Ouais, il n'y a pas des affaires qui n'ont. Hein? Il n'y a pas d'écran. C'est juste un touchpad. Ouais. Donc voilà, c'est la game. Ça paraît que tu n'as pas de PlayStation. Ça paraît, en effet, que j'ai pas de gens pour m'acheter ce cadeau-là. Fait que je vais me passer d'une PlayStation 4, je vais garder ma Wii U pour laquelle je me suis endetté, mais que je suis tellement heureux. Tu l'as payé combien? Alors, je l'ai acheté le premier jour, 350, je pense, 400$. Plus taxes. Okay. Plus les jeux, plus la manette, plus ça. Puis là, il va être 300$ au Black Friday. Là. Mais tu vois, c'est pas une grande. 299. C'est pas tellement avec, moins. Avec un jeu ou deux, je pense. C'est ça. Si t'as des jeux, ça vaut la peine parce que les jeux sont comme 60-70$. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est tout le temps cher, les consoles de jeux vidéo dans leurs premières années d'existence. Cette tasse-là est combien? Je me la procure où? Ben, elle s'appelle la Game Over Coffee Mug. Stéphanie, tu peux te la procurer assez facilement sur le lien qui est sur assemblagerequis.com. C'est sur. Attention, craziestgadgets.com, elle vaut 10$. Oh, pas cher. Et les commandes présentement vont s'envoyer le 3 décembre, ce qui va être assez. Mais là, meurs pas, laisse-moi pas tout seul. Il était intense, celle-là. Hein? C'était celui de nulle part. 10$, ça va être envoyé le 3 décembre, à temps pour Noël. Et le shipping est gratuit pour les commandes de plus de 50$. Alors ça veut dire qu'il faut t'acheter 5 tasses. Ben, c'est ça. Et faites attention parce qu'il y a un prix de 5$ pour le shipping, mais seulement aux États-Unis. Donc, attention au Canada. Mmh, voilà. Dommage. Ensuite de ça, on va y aller avec... ça, c'est parfait. Steph, on revient à l'alcool. Je sais que c'est pas parfait pour ta religion mormone en ce moment, mais quand même, pour ceux qui aiment... C'est pas grave, ça m'allume quand même. C'est ça. Ça t'intéresse et tu mets ça dans ta liste de liens favoris pour lorsque tu reviendras au christianisme. Et... Ouais, juste rien. Parce que c'est une conversion une fois de temps en temps. Bref. C'est des shooters, mais fait, Steph, en guimauve. Hein? En guimauve. Donc, c'est sur The Watering Mouth qu'on nous présente les Toasted Marshmallow Shot Glasses. Donc, dans le fond, on va pouvoir remplir, évidemment, ça d'alcool et ensuite manger les guimauves. C'est tout ce qu'il y a de plus simple. Du Baileys. Du Baileys, par exemple, dedans. Mmh. C'est pas fantastique, ça? Juste être sûr qu'on peut bien les manger. Pourquoi pas? Ben pourquoi pas, mais c'est parce que ça ne le précise pas dans l'article. Je trouve ça complètement ridicule de ne pas le préciser. Ben, ça aurait pu être juste des verres de shooter en forme de guimauve, mais je crois que c'est des guimauves qui se mangent. Mais sais-tu quoi? Hein? Tu t'en fais chez vous? Oui. T'ajoutes, tu sais, des petites torches là, pour faire les crèmes brûlées. Mm? T'as juste à carboniser un peu ta guimauve tout le tour. Tu fais un trou dedans où ça va déjà fondre, fait que tu peux facilement faire un trou. Tu mets ton Baileys dedans. Tout à fait. Ah tiens, voilà, la petite vidéo est sur assemblagerequis.com. Si vous passez par le VIA, qui est à la fin de l'article. Mais tu sais, les blogs de nos jours, c'est comme ça. Il y a un VIA qui mène vers le blog où ils ont trouvé l'idée. Puis après ça, dans le deuxième blog, il y a un lien vers le VIA qui est vers le site original qui en parlait au tout départ. Ça fait que j'ai suivi les VIA des VIA. Ah. Et j'ai trouvé la petite vidéo. C'est, ça vous montre ah comment oui, le faire vous-même. Ah ça s'achète pas, c'est ça. Ben c'est moi, c'est ce que j'en comprends, parce que c'est sur un site de gadgets à acheter. Mais clairement, la personne n'avait pas suivi le lien. C'est une vidéo pour vous montrer vous-même comment le faire. Mais oui, elle fait ça direct sur son rond de poil. C'est pas dur. Là. Des fois, il faut chercher un petit peu plus loin que le bout du pain. Le bout de son rond. Ah, c'est génial, ça. Ensuite, un gadget qui envoie des pandas en 3D en mousse dans votre latte. Tu sais, quand tu vas dans un petit café fancy, des fois, ils vont faire des formes dans votre latte, dans votre mousse de latte. Oui, puis c'est beau. C'est très, très beau. Donc ici, c'est pour faire vos propres sculptures de girafes, de pandas, entre autres. Donc, c'est une machine qu'on peut avoir à la maison. C'est le Awa Tachino. C'est bien ça? C'est japonais, hein? C'est japonais. On remplit le contenant de 1,4 once de lait. On fouette ça pendant une minute avec un blender qui fonctionne avec pile 2A. Et ensuite, on squirt la mousse par le bout de l'appareil pour faire ces petits blobs animaux. Vous allez devoir fournir votre propre pinceau et votre propre sirop de chocolat pour faire les détails. Il y a une petite vidéo pour vous montrer comment faire avec le gadget. Donc, c'est super mignon et la voix est tellement japonaise, tellement typiquement japonaise sur la vidéo. On vous la fera pas entendre là, mais c'est quelque chose. Mais juste les formes des bonhommes, tu le vois, c'est totalement japonais. Tellement. Et c'est tellement japonais qu'on peut l'acheter au Japon sur le Japan Trend Shop pour 60$ environ. Ça va sortir la première semaine du mois de décembre. Et puis, pendant ce temps-là, vous pouvez acheter aussi le Tomies Akashina Tomago. C'est un truc pour faire du pudding aux œufs pour 45$. Il y a une publicité très japonaise aussi, donc c'est dans le même article. Ah! Ouais. Et pour terminer, on vient au shooter. Si vous aimez boire des boissons et en plus péter des bulles dans les emballages de paquets que mais vous recevez. Tellement! Tellement! Donc vous allez devoir vous contrôler avec les Bubble Wrap Glasses du designer Chris Taylor. Donc c'est, ça a l'air fait de bulles, mais en fait c'est fait de vitre qui est texturisé pour avoir l'air de bulles. C'est super bien fait, c'est très, très, très réaliste. Moi, au début, je pensais que c'était des bulles, mais bien sûr, ça serait une tasse à utilisation unique dans mon cas, parce que ça ne t'offre pas longtemps que moi une feuille de bulles. Donc voilà, c'est les Bubble Wrap Glasses que vous pouvez acheter sur assemblagerequis.com, comme toujours, via uncommongoods.com. Ça coûte, hey, boy, hein? Combien? Hey, boy! Pour deux verres, combien tu paierais, toi? Oh, 10$. Attends un peu, je vais juste réactualiser la page pour être sûr du prix. C'est 244,42 $ canadiens. Ben oui, en don. Pour l'ensemble. Et c'est même pas disponible pour shipping international. Mais c'est n'importe quoi. Et c'est fait sur commande. Si vous commandez maintenant, ils vont l'envoyer le 3 décembre. Juste pour vous, 244,42 $. Pour deux verres. Ouais, je vais laisser faire. Je pensais acheter ça à ma belle-sœur. Hey, je l'aime pas tant que ça. Non, non. Ben là, c'est parce que c'est ça, là. Faut mettre ses limites à un moment donné. Non, non, mais c'est ça. Rendu là, c'est une question que je vais m'acheter un congélateur avant, je pense. Ouais, bonne idée. Tu sais, je veux un gros congélateur, tu sais, comme un frigo. Ouais. Là. Toi, un walk-in. Ouais. Je vais prendre juste une pièce d'appartement, je vais faire réfrigérer. C'est facile, tu montes pas le chauffage. Ah, voilà, voilà. C'est tout pour cette chronique de 5 semaines. Ça devrait pas. Là, les liens sur assemblagerequis.com. On prend une pause au retour. C'est notre amie Marie-Laurence Audet, sa chronique Le Loisir bien plus qu'un jeu. Elle est là, je la vois déjà. Elle nous faisait des signes dans la fenêtre tantôt. Je vais lui faire salut. On a un haut-parleur à la salle du studio maintenant, fait qu'ils peuvent nous entendre. On vient dans deux instants, restez là. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes à Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées. Stéphanie Paradis est son nom. Mathieu Plante, c'est ce qui est écrit sur son baptistère. Baptistère. Je sais pas, ouais. J'ai jamais vu ton baptistère. Ben, Colin, c'est pas vraiment de tes affaires. J'ai mon certificat de naissance, format de poche dans mon portefeuille, si tu veux ça. Pour vrai? J'ai une carte de crédit aussi, si tu veux valider mon... Puis oui, une carte d'hôpital aussi. Je prendrais... Non, juste la carte de crédit, ça m'irait. Bonne chance, parce qu'il reste pas grand place dessus. Mais c'est pas de ça qu'on parle. On a passé une heure à parler de choses à acheter. Maintenant, on va plus savoir comment sortir et profiter de la vie dans la chronique Le Loisir, bien plus qu'un jeu. Sifflette! On n'a pas chanté encore ça. On aurait pu. On pourrait y inventer une chanson ici. Alors, on est toujours apprécié pour nos inventions de chansons thèmes, de chroniques. Bonjour, Marie-Laurence Audet. Ça va bien? Oui, et vous? Ben, tellement bien. Ça n'a jamais été aussi bien. On parle de loisirs et de culture et de tourisme avec toi chaque semaine. Toujours un sujet différent. On ne sait jamais trop lequel, mais il est toujours intéressant. Oh. N'est-ce pas? Hein? J'essaie de te flatter dans le sens du, des cheveux. Oh! Oh! Oh! C'est séduisant tout ça. Mais de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, oui. Marie-Laurence? Ce matin, je vais aborder le sujet du e-loisir, tu sais, comme dans l'aspect électronique. Oui, là. OK. Donc, le loisir en ligne, donc le e-loisir et le e-service de loisir. C'est ça, e-loisir et e-service de loisir. C'est ça, dire qu'il est juste mauvaise en communication. Mais, non, c'est pas ça, mais je peux dire le e-loisir, le. Tu sais, tout le monde. Comment vous voulez que je le dise pour la chronique? Il y en a qui voient ça comme un email, il y en a qui voient ça comme un. Moi, j'appelle ça un email, un courriel, c'est un email. Un email. Ouais, mais toi, t'es un peu fucké. Oui. Dans ce fucké, c'est ça. Donc, on parlera pas d'email aujourd'hui. Moi, je veux dire du loisir électronique s'il faut, mais je sais pas. Donc, on va parler de l'aspect du loisir électronique, cool. Des services de loisir en ligne. Puis, en fait, c'est un bulletin qui a été publié dernièrement à l'Observatoire québécois du loisir par André Thibault, qui est une sommité en loisir et qui aborde cet aspect-là, à savoir à quel point on est en retard dans le milieu du loisir pour profiter de cet apport Internet-là dans les offres de services en loisir. Alors, ce qu'il mentionne à travers ses écrits, c'est que le web devient un centre de loisirs mondial de plus en plus, mondial et multidimensionnel, puis que ça devient en même temps d'être une offre de loisirs, la toile l'autoroute de l'électronique là, devient aussi un public majeur pour nos services des loisirs. Le tuyau qu'on appelle le tube. C'est autant la personne visée qu'un outil pour s'y rendre. Oui. Donc, c'est quoi? J'ai un petit quiz pour vous ce matin. Oh. Quand on parle d'Internet, c'est quoi qu'on fait sur Internet? Facebook. Ouais. Facebook. Twitter. Splash Face. Facebook. Comment ça? Non, magazine en ligne. Ouais. Amazon. Ben, ça regroupe toutes les magazines. Il donne des exemples. Flirter. Ouais. Ça, moi, j'ai fini ça. Je l'ai fait il y a 6 ans et demi. Mm-hmm. Là, j'ai arrêté ça, là. Des petites bandes dessinées. Non, je sais pas, on pourrait continuer longtemps. On peut continuer longtemps sur les différents éléments qu'on peut faire grâce à Internet. Nous, on avait recensé, on peut jouer. Il y a différents jeux en ligne qui sont offerts. Oui. On peut échanger, donc communiquer par courriel, par plateforme de médias sociaux et autres. Facebook. Ouais. Ça, comment qu'on fait ça? On s'abonne à Internet, on fait comment est-ce qu'on fait ça? On se compose un numéro de téléphone. Tu appelles ton câble au distributeur préféré. OK. C'est ça. Ici, c'est une pub pour Cogeco qui a le monopole dans Trois-Rivières. Ouais, c'est ça. Ouais, malheureusement. Donc, les éléments qu'on peut faire sur Internet, on peut jouer à des jeux, on peut échanger, on peut s'informer, avoir réponse au bout du clic à notre réponse existentielle quand on s'ostine avec quelqu'un. On peut faire des transactions. Okay. On peut s'exprimer, on peut créer, on peut se donner rendez-vous, on peut flirter, comme tu disais tantôt. Il y a tellement d'éléments qu'on peut faire grâce. Tu peux même faire plus que flirter. Ouh. Ah, oui, mais nous sommes présentement à une heure de grande écoute. C'est ça? Oui, on nous resterons professionnels. Ouais, il doit être 10 heures à quelque part dans le monde. Oui, 10 heures. Ouais, genre, juste 10 heures, c'est pas correct. Pas minuit, 10 heures. Tu parles du 10 heures le matin. L'heure du brunch. L'heure du brunch. Voyons, qui a jamais fait ça? C'est une table à brunch. Flirter. Mm-hmm. Donc, comme je disais, dans le fond, Internet représente de plus en plus une utilisation du temps libre, alors qu'autrefois, il y a quelques années, dans les différents sondages, parce qu'on demandait aux gens qu'est-ce qui occupait leur temps libre, la télévision était en tête de liste. Oui. Et elle a été clairement détrônée par Internet. Mais là, Internet puis le web, c'est la même chose. Là. Oui, tout okay. Qu'est-ce qui est... la toile, la grande toile. Oui, c'est ça, OK. Toute la même chose à date. Là. Y a pas... Oui. C'est le même réseau. Oui, mais c'est parce que... Ben, des fois, les gens disent les internets. Les interwebs. Les interwebs, les intertubes. On se rendra jamais à faire non, je pense chronique. Que non, en fait. De ce que je trouve ça drôle. T'es-tu pressé? Non. OK. Puis, avec toutes les applications qu'on voit en développement aussi, que ce soit sur les tablettes électroniques, que ce soit sur les téléphones intelligents, en ligne et tout, c'est vraiment la démocratisation puis l'accessibilité à tout ce qui est offert sur Internet qui autrefois était réservé à l'élite qui avait les moyens financiers de se payer un ordinateur, de se payer Internet. C'est quasiment une classe élitiste. Une deuxième ligne de téléphone. Oui, parce que tout le monde a connu le bip. Puis là, quand ta soeur est là trop longtemps, tu débranches. Là, tu dis tout le monde haut de... Ouais, c'est ça, exactement, en haut de 25 ans. Hein? En bas de tout ça, tu dois pas t'en souvenir. Pardon, je m'en souviens. T'as quel âge? Ouais. En bas de ça. Ouais, tu dois être limite pas mal. Ouais. Ouais. Moi, je dis en bas de 20, ils s'en souviennent pas. Ben, ils l'ont juste pas vécu, ils peuvent pas s'en souvenir. T'imagines, eux, ils ont connu le Wi-Fi. Nous, on comprenait pas. Ouh, il y a pas de fille. Il y a pas de fille. Donc, ce que je disais aussi, c'est que le phénomène en émergence qu'est le loisir en ligne, qui est tout ce qu'il a offert sur la toile, c'est à savoir si, c'est un peu la question de l'étude, si les centres des loisirs devaient voir ça comme un allié à soutien ou comme un concurrent direct de qui ils devraient se méfier. C'est pour ça que longtemps, il y a eu une espèce de friction à savoir à quel point on intégrerait ça dans les utilisations en loisir. Ben, c'est pour ça qu'en loisir, on n'aime pas les chats, hein, parce que les chats sont tellement populaires sur YouTube que ça leur enlève vraiment une grosse partie de leur public. Fait qu'ils sont très anti-chats, je trouve, les gens en loisir. Puis, d'un point de vue du loisir public, l'activité sur Internet était vraiment perçue il y a quelques années comme une activité sédentaire qui était quasiment... tu perds ton temps. Tu sais, tu jouais au solitaire, tu jouais à des mineurs, mais il n'y avait pas d'apport comme tel, alors que maintenant, c'est le moyen de communication par excellence. C'est un moyen de diffusion, c'est un moyen de pour publiciser les différentes activités, événements. On va aussi faire les événements Facebook. Quelqu'un qui organise quelque chose, c'est un lien direct avec ta clientèle. Donc, c'est passé de... ta perte de temps à l'outil principal, c'est quand même impressionnant. Oui, puis moi, ça fait longtemps que j'ai pas entendu l'expression « jouer sur Internet », mettons, parce qu'avant, on jouait sur Internet, tu sais, je m'en vais jouer sur Internet, tu sais. Puis là, ça, je m'en vais sur Internet, je m'en vais travailler sur Internet. C'était quoi le site, donc, avec tous les jeux Miniclip.com. Exactement. Oh! Hey, j'en ai passé du temps là-dessus, c'est ridicule. C'est vrai. Je pense que notre génération les connaît encore toutes. Quand on est retourné, puis tu continuerais tes records. On a trop passé d'heures là-dessus. Puis, il y a trop d'opinions aussi dans les différentes recherches qui mentionnent que on travaille en silo, chacun de notre bord, mais qu'au final, on pourrait, les différents intervenants loisirs, travailler à développer un service de loisirs qui serait public et virtuel. Donc, à quel point on pourrait mieux rejoindre nos différents internautes qui sont nos citoyens, qui sont nos membres à nos activités. Puis aujourd'hui, on ne peut plus voir Internet comme comment je peux dire ça? On ne peut plus passer à côté de cette réalité-là. On doit prendre en considération, mais surtout profiter de cet outil-là. Il y a quelques données sur l'usage d'Internet des Québécois. OK, je vais vous les faire en quiz. Combien vous pensez qu'en moyenne, les gens, les internautes, passent de temps sur Internet? Là, est-ce que ça compte le travail? De façon... Juste le loisir, hein? Le loisir, mais sur Internet de façon active. Là, t'es pas... Y a pas juste... T'attends pas que Facebook pop quelque chose. Ouais, exactement. Tu cliques, tu cherches... Par jour, par semaine? En moyenne, par semaine, un internaute actif, là, pas quelqu'un qui n'a pas Internet puis qui s'en va dans une bibliothèque une fois. Là, mais en moyenne, quelqu'un qui a Internet chez lui... Peut-être 3 heures par jour, mettons, 3. J'irais avec 25 heures. 6, 9, 12, 15. T'étais bon avec ton 3 heures moi, par jour? Moi, j'irais 15 à 20 heures par semaine. 17h24 et en plein internet. Oh! Ah, ça veut dire que je passe trop de temps sur Internet parce que j'ai réduit mon score. Ah, c'est parce que. Peut-être que tu mélanges aussi avec ton aspect travail, alors qu'ici, il ciblait vraiment l'aspect loisir. On voulait l'aider en nombre, mais ce sera pour une prochaine fois. Combien de pourcentage en 2012 utilisait Internet au moins une fois par semaine? 85%. Ah, plus que ça, 90. Moi, t'as 90. Au moins 90. En 2012, 78% des gens utilisent Internet. Faut quand même pas oublier qu'il y a des aînés qui l'utilisent moins, qu'il y a des jeunes enfants qui peuvent être sur l'ordinateur sans être sur Internet. C'est vrai. Y a quand mon grand-père m'envoie des photos sur Facebook. Oui, mais c'est bien fait, ce petit montage. Ouais, 80, 85, je sais plus, non, 85 et plus. Oui, mais il compense pour d'autres, peut-être, qui l'utilisent pas autant. C'est ça. Mais dans la société, en général, 78% utilisent Internet au moins une fois par semaine. Ensuite, entre 2012 et 2013, combien de pourcentage des gens de 55 à 64 ans, qui sont parlé de ton grand-père tantôt, là, utilisent les médias sociaux? Les médias sociaux? Ça irait pas plus haut combien, que... En fait, ma question, c'est comme on cherche deux pourcentages. Ouais. En 2012 et en 2013, pour voir l'augmentation. Moi, je dirais que c'est passé. Est-ce que tu veux répondre en premier? C'est passé j'en ai aucune idée. De 30 à... 40, non, de 25 non, à 30. Plus que ça. Je pense de 30 à 45%. Peut-être plus 65 à 68, genre. Des même. Personnes âgées. Ben là, je m'excuse, 55 à 64. 55 à 64 ans, c'est peut-être plus nos parents. Donc, Gens âgés de 55 à 64 ans concernant les médias sociaux de 2012 à 2013, les deux années comparatives, ça a passé de 59% à 74%. Ouais, ça a monté beaucoup. Oui, vraiment beaucoup. Ouais. Mais on le voit de plus en plus. les gens qui... Que Ginette, leurs enfants... Ginette et Robert, choses et choses, oui. qui ont une page pour les ça, deux. C'est facile. On voit de plus en plus de jeunes grands-parents qui adhèrent à Facebook. On voit de plus en plus de... Qui grande fadère à Facebook. D'adultes. Là, en ce moment, c'est ceux qui passent à la retraite. Mm-hmm. On voit aussi ceux qui ont connu l'arrivée d'Internet dans leur milieu, mais qui, vu qu'ils étaient dans les soit cadres ou dans les plus vieux employés, n'ont pas nécessairement eu à s'adapter tout de suite à cette nouvelle technologie-là. Eux, ils ont comme eu le droit de continuer à l'ancienne méthode souvent dans leur emploi. Et que c'est en ce moment qu'ils font beaucoup la transition. Mm-hmm. C'est ce qu'on a remarqué. Si on fait ce même pourcentage-là, des internautes qui utilisent les médias sociaux en 2013. Ça représente combien de pourcentage des internautes qui utilisent les médias qui sociaux? Qui ont une page sur les réseaux sociaux qui l'utilisent activement. Ce serait activement, je pense. Activement. Je vais dire... 80. 85. Moi. 82, on était vraiment dedans. Oh! Travail d'équipe. Il y a des chiffres qui étaient intéressants. J'étais quand même plus proche. Mmh. À The Price is Right, t'aurais perdu parce que t'as dépassé. J'ai overbidé, en effet. Mais un matin, c'est Marie-Laurence Israël. Il est noté aussi que le trois quarts des internautes consultent les médias sociaux puis ont des comptes. Mm. Donc ça, c'est vraiment énorme. Mais tu sais, on parle autant de Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. Splash Face. Exactement. Mais il y a plus de monde qui ont de Facebook que de Mais en de fait, Vines, attendez, mettons, de Snapchat. Le trois quarts des internautes consultent les médias sociaux, oui. Alors que la moitié des internautes ont des interactions via les médias sociaux. Commentent, like. Parce qu'il y en a souvent qui ont des pages, qui regardent ce que les autres font, mais ne laissent pas de traces de leur espionnage. Ouais. Mais il y en a qui like quasiment pour marquer qu'ils ont vu. Oui. Il y a même qu'il y en a qui voient leur propre statut. Oh. Ça, c'est impressionnant. Oh. Ça, c'est comme les selfies. Oui, c'est centré sur soi-même. Oui. Concernant les réseaux sociaux, où est-ce que les réseaux sociaux, les gens qui l'utilisent tous les jours, combien de dans les 18-44 ans, ça représente combien de pourcentage qui l'utilisent tous les jours? De ne pas être complètement si élevé, peut-être à 75? Ah, 70. 60. 58%. Yes! C'est bon, c'était. Puis concernant les 45 ans et plus qui utilisent les réseaux sociaux tous les jours, ça représente quel pourcentage? Un petit peu moins, peut-être 53. C'est 47. Un peu plus bas. 37%. Ah ouais. Oh. Ça descend beaucoup entre les deux. Mm-hmm. Oui, on va voir de plus en plus dans les offres de services de loisirs publics l'utilisation du e-loisir, donc de l'Internet pour avoir accès. On va le voir, par exemple, les gens qui peuvent s'entraîner grâce à des vidéos qui sont en ligne, qui peuvent suivre de chez eux, de leur maison, leur propre programme d'entraînement, avoir des conseils sur les blogs, avoir aussi accès à des coachs, des fois, avec qui ils peuvent communiquer. Comme je disais tantôt, il y en a beaucoup qui jouent en Mais ligne. Mais là, il faut être actif, Mathieu. Il ne faut pas juste regarder la fille d'Andine dans le show. Chaline, oui, c'est ça. On a aussi les gens qui font des rencontres, parce qu'on imagine souvent qu'il faut que tu te déplaces dans un centre des loisirs ou dans un café, mais tu peux quand même communiquer. Là, je parle pas juste des sites de rencontres dans le sens de tomber en amour, là, mais je parle de rencontres, discussions, des groupes souvent d'intérêts communs. Les gens, OK, ils aiment le plein air, ils peuvent discuter ensemble des différentes places qu'ils sont allés. Ils aiment la photographie, ils peuvent se partager leurs intérêts communs. Ou Tinder, parce qu'ils aiment juste le sexe. Oui. Sinon, il y a les, comme je disais tantôt, les clubs et intérêts communs. T'sais, on le voit dans les associations sportives, mais on va le voir en ligne aussi, comme je disais tantôt, par exemple, pour la photo. Puis, c'était mentionné dans l'étude que lorsque Internet permettait de créer des liens sociaux, d'avoir du plaisir, de te maintenir en santé, d'avoir accès à des jeux, ça répondait à la mission du loisir public, qui était en fait justement... c'est une longue phrase, je vous l'ai dit dans mes mots, là, mais c'est d'offrir les conditions optimales aux gens pour qu'ils aient accès aux loisirs, d'offrir des expériences de loisirs, de répondre à leurs besoins puis attendre dans ces temps libres. Fait qu'au final, la minute que ça répondait à ça, que ce soit en ligne ou pas, on répond toujours à cette mission-là qui est celle du loisir public. Puis, comment est-ce que le loisir dans une organisation de loisirs peut ajouter une valeur à ce qui est vécu? Ce qu'on va dire, par exemple, au gestionnaire, ben, ça te permet de former tes animateurs qui doivent utiliser la toile dans le cadre de leur travail. Donc, par exemple, vous voulez qu'il y ait de l'interaction avec les clients, les jeunes ou autres, ben, on va leur offrir via Internet une formation ou comment ça fonctionne. Ça peut être un lieu où est-ce qu'on va déposer des outils complémentaires. Souvent, on va voir, mettons, qu'il y a des intervenants en loisirs dans différentes écoles, ils ne communiquent pas nécessairement entre eux, mais ils ont les mêmes réalités puis ils auraient besoin des mêmes documents ou autres. Là, il peut avoir des modèles de comment faire des demandes de subvention, comment faire une fiche d'inscription, qui peuvent être offerts à ces intervenants-là, qui chacun dans leur milieu peuvent avoir accès via la toile à cette information-là, plutôt que de dire je vais l'envoyer par courriel, mais tu oublies tout le temps quelqu'un. Là, mm-hmm. là c'est au bout du fil, c'est au bout du clic, tu as une question, tu as ta réponse. Puis, l'interaction directe avec le public, l'éducation, le loisir, on peut se permettre autant de répondre aux questions des gens que justement voir c'est quoi les tendances présentement, puis en temps réel, leur offrir quelque chose. La plus-value, c'était vraiment, comme je viens de dire, il y a un temps réel qui est de dire d'utiliser Internet, ça t'offre le temps réel des bases de données, de tes clients, de toutes les transactions qui sont faites dans ton organisation. Ça te sauve du temps, ça te sauve de l'argent, ça améliore aussi la rigueur de ta gestion de ton organisation. C'est quand même très positif, l'apport d'Internet. Là, on parle du loisir, mais je pense que ça peut quand même s'appliquer à différentes organisations comme réalité. Puis, on a remarqué, tantôt je parlais des boîtes à outils sur Internet, c'est vraiment à la hausse. C'est vraiment un concept qui fonctionne et où est-ce que les gens peuvent de plus en plus partager leur savoir, leur expertise, ce qu'ils mettent en place. Puis, tant mieux, parce que le partage du savoir, tu n'es jamais perdant. C'est pas parce que tu donnes de l'information que tu la perds. Puis, tout le monde en est gagnant. Puis, ce que ça disait aussi, en tant que conclusion, c'est que tout ce... les TICs, les technologies de l'information et des communications, ce que ça nécessitait, par exemple, pour un gestionnaire en loisir ou pour un professionnel en loisir, comme partout ailleurs, ceux qui l'utilisent, c'est d'être à jour, c'est en constante évolution. Fait que c'est pas juste de dire « Ah, oh, moi, je connais Facebook, c'est beau, ben, je vais l'utiliser pour les 20 prochaines années. » Faut que tu tiennes à jour sur les tendances, sur les nouveautés, sur comment recruter. Faut que tu tiennes à jour sur ce qui évolue plus vite que la vie. Mm-hmm. Faut que... c'est ça, fait que tu fais de la formation en continu sur les tendances, voilà. Voilà. Donc, personnellement, je pense que c'est un apport positif. Faut pas voir ça comme un concurrent. Puis, il y a quand même une réalité qui est celle de dire, je sais pas si vous connaissez, c'est quoi le cocooning? Faut rester à la maison, regarder Netflix. C'est un peu ça. C'est quand les gens restent dans le confort de leur foyer, dans leur temps libre, puis qu'ils vont s'occuper eux-mêmes, qu'ils n'auront pas besoin de quelqu'un qui va... organiser, mettre en place de l'offre de loisirs. Puis des fois, les gens voient ça comme négatif et concurrentiel aux professionnels en loisirs qui, eux, leur travail, c'est justement d'organiser, de rassembler le monde et tout. Ça ne disparaîtra jamais totalement le loisir. Les gens ne peuvent pas passer 24 heures sur 24 chez eux à rien faire. Tu vas faire ça une journée dans ton congé. Tu ne pourrais pas faire ça à temps plein toute ta vie. À un moment donné, tu auras un manque de socialisation. Tu auras un manque d'apprentissage. Il faut que tu vois l'être humain comme... Un manque de sexe, au pire. Oui. L'être humain est quand même fait qu'il a besoin d'interagir avec les autres. Il ne peut pas rester enfermé toute sa vie en ermite. Facebook, c'est pas assez. Non, c'est pas assez Facebook. Parce souvent, on s'écrit, mais c'est quand qu'on se voit. Là, ouais. On s'ennuie. Oui. On fait ça un souper. Sauf que le cocooning, on peut s'en servir via les plateformes électroniques pour rejoindre les clientèles, soit pour les informer qu'ils peuvent sortir de chez eux, ou encore pour leur offrir, comme on disait tantôt, par exemple, l'entraînement en ligne et autres, qui fait qu'on a quand même accès à leur donner de l'information, puis à rester actif pour leur bien-être et tout. Puis on s'entend, le cocooning est beaucoup plus agréable quand tu as fait quelque chose avant, par exemple. Si tu vas faire de la raquette, là, t'es toute gelée, tu rentres chez vous dans une doudou, tu manges de la soupe au pois, puis un chocolat chaud. Ouais, t'es sinon, heureux. Tu peux juste sortir. T'es tu peux sortir au club vidéo, aller chercher une nouvelle cassette vidéo. Une cassette. Plus récent film de Disney. C'est ta sortie de la journée. Il va sur YouTube, comme tout le monde. Ben ouais, si tu fais là. Non, tu sors au club vidéo, voyons non. Vous connaissez pas ça? Sortie de socialisation, on parlait. Ça disparaîtra jamais, les cassettes vidéo. Être jamais. D'après moi, la petite caissière est cute au club vidéo proche de chez eux, ça doit être. Pas mal ça, finalement. pas mal ça. On peut te rejoindre par courriel, Marie-Laurence Audet à naticapenavigator.com. Hein, sur willobdrotter.net. Et ça, courrier électronique. Sympatico.ca. C'est comme une lettre à la poste, mais instantanément, tu as le droit, avec la plupart des forfaits de nos jours, à au moins 3 courriels par jour. Dans ta bande passante. Ah, mais j'en ai pas besoin d'autant. Pas besoin d'autant. T'auras jamais besoin d'autant que ça. Parce qu'il y a juste les vrais amis qui vont t'écrire. Il y aura jamais personne d'autre qui va t'écrire. Non, puis c'est juste comme le courrier. Il y aura jamais de publicité dans les courriers. On n'est pas rendu là. Sinon, écrivez une lettre postale à Marie-Laurence. C'est Fou FM. Aux soins de Marie-Laurence Audet. 3351 Boulevard des Forges. Trois-Rivières. Pagnonnerie Beauchemin. J'ai 905 à Chichette. Voilà. Envoyez-nous vos plus beaux dessins. Le gagnant se méritera le cri du lion fait par Bibi. C'est parfait. Merci, Marie-Laurence Audet. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. C'est les mercredis à 8h30. Oui. Merci, Marie-Laurence. @ rocketmail.com. Au retour, ce sera les deux chroniques alimentaires de la journée. Oui. Mercredi, on va faire Master Chef. Ainsi qu'une grosse pointe en dresse, c'est dans la prochaine demi-heure d'Assemblage requis. L'émission qui commence bien la journée sur les ondes de la bande FM. Ça, c'est la nouvelle version de radio. C'est plus sur le AM dorénavant, on est sur le FM forever. Familial. Ouais. FM, familial. FM pour familial. Familial. C'est la famille. Family matters. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Toujours Assemblage requis, je suis pas capable de parler par-dessus. Il est trop bonne, cette chanson-là. Oui, c'est l'émission comme ça du matin, hein, entre 6h30 et 9h30, qu'on se fait ça tous les matins. Et Stéphanie Paradis, la dernière chronique, ou presque, d'habitude, ce serait la dernière, mais je pense qu'on va peut-être en avoir une autre après. Hein. Oh. Mais c'est les mercredis à 9h. On est toujours plus fin que les autres moments parce qu'on a créé une habitude. Ben oui, c'est ça. C'est rendu ça, le mercredi, c'est Master Steph. Ça, c'est la chronique pour laquelle on cuisine la bouffe décadente du net. Seul. Comment tu l'avais qualifié déjà? C'était la chronique alimentaire culinaire et dans ta gueule. C'est ça? Non, mais t'avais dit autre chose que décadent. Je me souviens pas c'est quoi. J'avais été semi-insulté. Attends un peu, là, je suis plus sûr. Hein? En fait, je suis tout le temps un peu semi-insulté. Là. T'es comme tout le temps semi, hein? Ouais, je suis soupe au lait, mais pas autant que toi. Étonnamment. Oh, oh. C'est vrai que t'es soupe au lait. Crime, va chier. Non, non, non tu peux pas le cacher. Non, c'est pas mal, c'est pas mal vrai. C'est pas mal vrai. Bon, on est fait pour s'entendre, je pense. En fait, assez fou, pas mal. Tout le monde est fait pour s'entendre là-dessus. Sur la soupe au lait. Soupe au lait. Ils vont sûrement mal le prendre. La soupe lactée. C'est ça, exact. Soupe lactée. Voici, ils sont tous déjà fâchés de moi. Ils nous attendent avec une grippe banale. Ouais, non, on est tous comme ça, mais c'est de même. C'est un trait de personnalité. Et puis, qui se ressemble, s'assemble, comme on dit. Oui, souvent, la plupart du temps. Mais bon, on s'aime tous. Mathieu. Steph. À Master Steph, cette semaine... Ah, c'est toi, Steph, dans Master Steph. Ouais, mais c'est juste comme... c'est la combientième? Je sais pas. En ce cas, 8, 9, je sais pas. Fait quand même une couple. Ouais. Aujourd'hui, je crois que là, c'est un succès. OK. Je crois que dans les... Peut-être les 2-3 dernières semaines, ça n'a pas nécessairement bien été... Non, La semaine passée, pour la semaine prochaine, je vais pas rien spoiler. Ça très bien je sais même plus c'est quoi. Ça va bien aller la semaine prochaine. La semaine dernière, on avait fait, je dis on, c'est qui la personne qui parle pas. On avait fait une tarte au pamplemousse. Ah oui. Ça goûtait pas assez à mon goût. Le petit goût des Girl Brand, bof, pas sûr. Non, c'est très moyen ça. Ouais. C'était pas la meilleure. La semaine d'avant, c'était du popcorn caramel bacon. Qu'est-ce qui s'est passé donc? J'ai brûlé le caramel comme une grosse conne. C'était pas ta meilleure. Hein? Caramel, écoute, j'avais essayé d'en refaire hein, avec la tarte au pamplemousse. J'avais essayé de confire mes pelures de pamplemousse. Mm-hmm. Hein? Ben, j'avais brûlé mon fond parce qu'il y avait plein de sucre. Fait que ça a brûlé comme mon caramel. C'était pas ta meilleure. La semaine d'avant, toi, je pense que tu avais apprécié les brioches avec du bacon. Ah, ça, par exemple. Ça, oui, ça, c'était bon. Moi, j'étais pas sûr. Moi, j'ai adoré mais ça. Mais là, je pense que cette semaine, on revient, je te dirais, au niveau Master Steph. Ah oui, OK. Peut-être que je filais pas trop la dernière semaine, j'sais mais pas. Là, j'ai c'est la transition vers la religion mormone, je pense, qui était vraiment... Ouais. Ça se peut, ça perturbe un peu la mormonitude. Mais là, cette semaine, je me suis vraiment donné à fond. J'ai eu beaucoup de plaisir et je pense que ça va être bon. Cette semaine, Mathieu, je t'ai fait une tarte choco-caramel et sel de mer. Caramel et sel de mer ouais. Ensemble! Donc, je pense que ça va être très, très bon. Ben en fait, l'idée, ça me faisait un peu penser, je sais, on est allé à un moment donné au Bulk Barn ensemble et ouais. On a trouvé des bouchées de chocolat au caramel avec justement des gros grains de sel dessus. Le bonheur. Ça me fait un peu penser à ça, cette recette-là. Donc, je sens que ça va être très bon. Mais tu n'as pas goûté, encore une fois, on dit tu n'as pas goûté, mais ça devrait goûter ça. Ben, j'ai quand même un peu goûté au caramel et au chocolat séparément parce que je voulais mettre la bonne quantité de sel. Mm-hmm. Donc pour vous à la maison, c'est sûr que vous avez envie de suivre la recette avec nous. C'est tout simple, vous allez sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Vous allez dans les albums photos, c'est important de passer dans albums. Sinon, c'est pas dans l'ordre. C'est ça, sinon vous allez être mêlé, vous comprendrez pas la recette, vous allez Facebook, faire tout ça à l'envers. Là, donc, on va dans les albums, on va dans l'album Master Steph, et à la toute fin, vous aurez les photos numérotées de la tarte choco-caramel et celle de mer. Et ça dit dans la photo, il y a le nom de la recette avec le numéro de la photo. Exactement. Donc, tout est clair. Quand même. Si vous vous trompez, vous êtes juste un peu maillet. Bah! Ou vous savez pas lire. Ça arrive. Ce qui n'est pas impossible. Que faites-vous sur Facebook? Regardez les photos, j'imagine. Ouais. C'est ça. Donc, les ingrédients que ça nous prend. Premièrement, pour la croûte à tarte, parce que oui, cette fois, c'est la recette de croûte à tarte qui était avec la recette de contenu de tarte. D'habitude, tu prends la recette de Ricardo. Exactement. Oui. Mais là, on a une croûte à tarte, une recette de croûte à tarte. Donc, ça nous prend 10 cuillères à table de beurre non salé à température de la pièce. Là, moi, j'étais comme 10 cuillères à table. Sérieusement, 10 cuillères à table, me semble que c'est beaucoup. C'était pas possible de me le donner dans une autre mesure. Ouais. Mais c'est parce qu'en fait, 10 cuillères à table, c'est une demi-tasse de beurre plus un huitième de tasse. Fait que là, dans le fond, j'ai regardé ma livre de beurre, fallait que je prenne une demi plus la moitié du quart de tasse de la petite ligne. C'est du quart de tasse. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que 10 cuillères à table, finalement, c'était plus facile. Okay. Ensuite, ça prend une demi-tasse de sucre. 2 gros œufs, 2 tasses de farine tout usage et 1 cuillère à thé de sel. Ensuite, pour notre caramel, ça nous prend 1 demi-tasse de crème fraîche, 1 tasse de sucre et 1 pincée de sel de mer. Et finalement, pour la ganache, ça nous prend 12 onces de chocolat mi-sucré, 1 pincée de sel de mer et 2 tasses de crème fraîche. De la ganache. De la ganache. Mmh. Donc ensuite, on s'en va à la préparation. J'imagine que tu veux savoir comment j'ai fait ça, Mathieu. Moi, je suis encore à photo numéro 1. On n'est pas rendu là encore. Les photos. Non, on n'est pas encore dans les photos. Donc, là, oui. Oh là, oui. Là, oui. Là, on est à photo 1. OK. Donc, pour la croûte à tarte, on commence par ça. Dans la photo 1, on va mettre dans le bol. Ben oui, ça, c'est très, très normal, un téléphone qui sonne alors qu'il n'est pas public. T'sais. C'est bien normal. Ça? Attends, je vais juste... Fouit! Ah, j'ai dit, réponds, c'est qui? Mais non, on peut pas répondre en nom à celle-là. Puis je peux pas l'arrêter non plus. Je peux faire ça de même, puis raccrocher, ça. Fun, hein? Ça c'est peut-être faire. Un faux numéro? Peut-être. C'est peut-être un appel de courtoisie de la Banque nationale. J'ai ça comme tout le temps. Ça a l'air bon, votre recette. Ici, la Banque nationale. Je scripte ça à ganache, la Banque nationale. C'est peut-être M. le maire qui veut me retourner son compliment, où j'ai déjà dit qu'il y avait de la bonne soupe de tomates. Peut-être qu'il m'appelle pour me souper au pot. La soupe de tomate de M. Elmer, on le connaît, M. Elmer. Ben oui. Ben oui. Donc, où j'étais rendu? Photo numéro 1. Donc, dans le bol d'un batteur sur socle. D'un okay. batteur sur socle qu'on appelle aussi M. Elmer. Ah. Et là, on passe déjà à la photo 2, hein, parce que dans le fond, on voit dans la photo 1 ce qu'on met dedans. Et dans la photo 2, on va battre en crème le beurre et le sucre. OK. Ensuite, photo 3, on va ajouter les œufs. Et si tu regardes bien, on voit les deux œufs. Oui, on voit les... Oui, une belle paire de yeux. Et ensuite, photo 4, on va mélanger jusqu'à ce qu'il soit bien incorporé. On ajoute le sel et la farine. On mélange à basse vitesse jusqu'à ce qu'une boule de pâte se forme. Et finalement, photo 5, on va envelopper le mouton de pâte, hein, parce que ça peut vraiment donner une boule. Ça peut se donner comme un mouton. On va l'emballer dans une pellicule plastique et réfrigérer au moins une heure ou toute une nuit. Moi, je préfère l'emballer dans de l'argent chez la Banque nationale. Ensuite, sur une surface légèrement farinée, là, j'ai pas pris de photo de ça parce que ça ressemble à toutes les autres fois où j'ai roulé de la pâte, OK? OK. Donc, allez voir des archives de... Ça va faire un lien vers les photos d'archives, genre voir recette numéro 3. C'est ça. Donc, sur une surface légèrement farinée, on va rouler la pâte en un disque d'un quart de pouce d'épaisseur et la presser dans le fond d'un moule à tarte tout en enlevant l'excédent de pâte, bien entendu. On va placer la croûte au congélateur jusqu'à ce qu'on soit prêt à la faire cuire. Est-ce que je peux le mettre dans le backstore où on met l'argent chez Banque nationale? Non? Dans la voûte? Photo 6. Photo 6. Préchauffer le four à 350. Oh, t'as varié, hein, la façon de le faire. Il est bien fait, hein? Steph, elle a pris, comme toujours, sa photo vide de four, mais elle a rajouté à la main avec des petites lignes vertes. Ben oui. La température. J'ai écrit moi-même la température. C'est parfait, ça. C'est ton idée. Ben, c'est pour ça que c'est parfait. Photo 7, on va recouvrir la croûte d'une feuille de papier parchemin et on va remplir de pois secs. Okay. On va cuire pendant 30 minutes. Ça, tu l'avais déjà expliqué, c'était un truc que tu avais donné pour empêcher que ça gonfle, hein, c'est ça? C'est ça. On veut pas que la pâte prenne toute la place, sinon on n'aura pas de place pour la garniture. Et les pois ne cuisent pas dans le four à cette température-là, ou peu importe, là, c'est ça? Ben, c'est sûr que si tu les échappes sur l'élément, ça va flamber, comme ça m'est déjà arrivé. Okay. Mais ces pois-là, on peut pas les réutiliser après pour faire une soupe aux pois, par exemple. Okay. On doit les garder pour faire cuire des croûtes tartare. Mm-hmm. Donc, moi, j'ai un pot avec mes pois qui servent juste à ça. Okay. Ensuite, bon, c'est ça, on va cuire pendant 30 minutes. On va enlever les pois et le papier. Et on va cuire un autre 10 minutes. Et on laisse refroidir. Ensuite, on passe au caramel avec la photo 8. Donc, pour le caramel, on va amener la crème à ébullition et fermer le feu. Okay. Là, tu vois, dans le fond, on a la crème qui ébullit. Oui, c'est oui. Et on va fermer le feu, mais moi, je l'avais laissé quand même bas parce que faut qu'elle reste chaude. Hmm. Mais on veut pas que ça bouille là, à n'en plus finir. Ensuite, dans une casserole, on va combiner le sucre avec 5 cuillères à table d'eau. Et on va cuire à feu élevé jusqu'à ce que le sucre soit dissous. Dissous, on a beaucoup de ça, des dissous. Je suis bon national. Photo 9. On va amener à ébullition et cuire pour encore environ 4 minutes. Mais dans le fond, là, le secret avec le caramel, c'est de garder les yeux dessus. OK. Aussitôt que ça commence à être doré, bang! Oui, sinon, on sait ce que ça donne, hein, c'est ça. Ça donne ouais. Du sucre collé, brûlé. Pas très bon. Ensuite, on va retirer la casserole du feu aussitôt que ça commence à dorer. Et on va battre dans la crème chaude. Et ensuite, on va mélanger jusqu'à ce que ce soit onctueux. On ajoute le sel. Photo 10. On verse le caramel dans la croûte à tarte. On laisse refroidir et on va réfrigérer jusqu'à ce qu'on soit prêt à mettre la ganache. Il y a quand même plusieurs étapes, là, hein? Ensuite, pour la ganache, on va placer le chocolat et le sel dans un bol. Et on va amener la crème à ébullition. Dans la photo 11, on voit qu'on a versé la crème sur le chocolat et on laisse reposer pendant 3 minutes. OK. On attend. On va attendre en temps réel, 3 minutes. Attention. C'est fini, là? Oui, le 3 minutes est fini. Ensuite, photo 12 et 13, donc on voit un peu l'avancement de tout ça. On va mélanger le chocolat avec la crème jusqu'à ce que le tout soit fondu et lisse et homogène et tout ça. Et on va verser la ganache sur le caramel dans la croûte à tarte. Oh. On laisse figer à température de la pièce et on va saupoudrer de sel de mer avant de servir. C'est-tu pas beau? Inacceptablement bon, ça, je suis sûr. Premièrement, la croûte, là. Quand j'ai commencé à la travailler au rouleau à part, je me suis dit, mais quelle pâte de mer! OK, Ricardo fait bien mieux que ça. Mais c'est parce que à déchirer en petits morceaux, à coller après le rouleau, après le comptoir... Les rouleaux, on a ça chez Banque Nationale. Des rouleaux de sel. Ouais. J'avais beau mettre de la farine, ça collait, ça se défaisait en mouton. J'avais l'impression qu'elle était très collante. Je me demandais si ça devait être à cause des œufs, tu sais. Mais finalement, elle était peut-être seulement un petit peu trop froide. Parce que pour mes deuxième, troisième et quatrième tartelettes, parce que moi, j'ai fait en tartelette, ouais. Je voulais pas faire une grosse tarte, là. Fait que j'ai fait congeler deux tartelettes. J'en ai mis une ici, je l'ai laissé une à mon chum. Tout le monde est content. Il l'a mangé hier soir. La moitié. Ouais, c'est ça. Trop sucré. Mais oui, lui. Comment? Trop sucré pour lui. Hein? Mais c'est parce que c'est gros, là, les tartelettes. Okay. Là, c'est pas des mini-mini, là. Donc, oui, ça a bien été pour les autres tartelettes. Donc, j'ai l'impression qu'il fallait juste que la pâte réchauffe un petit peu. Donc, peut-être attendre une minute ou deux avant de commencer à rouler votre pâte. Attention, hein, ça prend beaucoup de farine parce qu'elle est quand même assez collante. Donc, allez-y généreusement sur la farine. Et, Mathieu... Enfin, à ma troisième tentative de caramel, j'ai finalement réussi à pas le brûler. T'as même pas idée à quel point je suis contente et je suis fière de mon caramel. J'ai quand même été chanceuse, hein, parce que malgré mes expériences précédentes, j'ai quand même fait plein de choses en même temps que je faisais mon caramel. Mais j'étais un peu plus attentive quand même. Ouais. Et il est correct. Génial. Et aussi, je dois avouer que j'ai goûté un peu aux composantes de la tarte, hein, comme je l'ai dit tantôt. Question de mettre assez de sel et de pas être déçu. Mm-hmm. OK? J'espère juste que j'en ai pas trop mis parce que, tu sais, veux pas, faut pas que ça soit trop salé. On veut pas non plus que ça soit une frittata, là. Mais on veut quand même que ça soit un peu sucré. Mais écoute, on va le savoir au goût tantôt. Va juste rester à déguster. Mais avant, bien entendu, d'aller goûter à cette tarte, hein, comme on mange de la tarte, mais je me suis dit qu'on pourrait aller écouter She's Gone de Pai Pai. Pai Pai. Mais c'est aussitôt que t'as sorti du four, la tarte. Hey, elle est où? Ah, oh, She's Gone, je l'ai mangée. He's Gone de Pie Pie. Vous êtes toujours à Master Steph, assemblage requis. Et aujourd'hui, on mange de la tarte choco caramel et sel de mer. Mmh. Et on est rendu au moment de la dégustation. Notre moment préféré, bien sûr. Mais c'est des trucs et astuces, puis l'explication de la recette, c'est comme deux. Juste parce qu'on s'en sac, là, c'est juste remplir les trous. Là. Mais malgré qu'on se l'ait toujours dit, c'est pas parce qu'il y a un trou qu'il faut le remplir. Mais on peut essayer. Mais on peut enrober la dégustation. Faut créer un suspense. Mm-hmm. T'es-tu prêt? Je suis toujours prêt. J'ai mon couteau. Slash. OK, c'était pas très bruyant hein, comme un couteau. Mais je l'ai fait avec ma bouche. Ah, c'était ça? OK. Tu l'as pas entendu? Donc, je peux peut-être essayer d'approcher le micro magique qu'on m'entende couper la tarte. J'essaie de pas passer à travers l'assiette en aluminium non plus. Mais ça peut essayer de partager ton micro magique. Je dirais que le micro magique. C'est ça, celui-là. Parfait. Soit celui-là. C'est fait. On fera pas d'accident avec ça. Elle s'écroule un petit peu, ta croûte. Elle est très croquante. L'effet de calme que ça fait, ce micro-là, c'est le fun. OK. C'est bon, je pense qu'on a compris. Hey! Ben là, je trouvais que c'était assez. OK. Hello! Ça, c'était, je pense que c'était le cornet qui était là. Donc, regarde-moi ça. Caroline, oui. La petite couche de caramel dans le fond. Ouais, hein. Avec la ganache. C'est-tu sexy, ça, rien qu'un peu? C'est-tu assez beau? C'est l'orgasme buccal. Steph, c'est clair que ça va être écœurant. On met la barre haute, hein. On n'a pas le choix. Donc, moi, je prends le petit morceau et je te donne le reste okay. de la tartelette. Attends un peu. T'es pas obligé de tout manger tout de suite. Je te le dis, tu peux t'en garder pour dîner. Mais ce qui reste, je te l'offre, merci, bien entendu, Mathieu. Donc, tu vas pouvoir... Si t'aimes ça, sinon, ben, tu la donneras à Jean-Philippe Charbonneau. Ben voilà, que t'es généreuse. OK, donc on va se couper un bout de ça. Ah ouais, j'ai hâte de goûter à ça. La ganache est quand même solide, hein? Non, la ganache est très moelleuse. Si tu penses à la tarte crème de banane au cul noir que j'avais faite, la ganache était beaucoup plus... Dure. Mm-hmm. Beaucoup plus... Fesse dedans. T'as dormi. C'est ça. Elle était beaucoup plus dure. Celle-là est beaucoup plus crémeuse. Okay. J'ai goûté un petit peu au rebord de la tarte là, parce qu'il y en avait ça, qui était tombé. Fait que je l'ai mis dans ma bouche. Puis c'est bon. Mais bon, as-tu c'était pas une bouchée. As-tu vu le beau caramel crémeux? Je capote sérieusement. Le caramel est vraiment beau. Mais tu sais, il est crémeux, il est pas croquant. Il est... Oh. Là, tu sais comment le faire comme faux. Il est-tu assez beau? Oui, il est très beau. Ah, je suis énervée. Là. Première bouchée. Allons-y. On goûte à ça. OK, wow. C'est génial. Oh my God. Oh, j'adore ce goût-là. J'ai envie de me gargariser avec une bouchée. Ah, mais c'est donc bien bon. Sur chaque surface de ma bouche. J'en avoir partout. J'aurais peut-être laissé tomber le sel dans le chocolat. Non. Pour qu'il y ait vraiment un contraste un peu plus sucré-salé. Ouais, je comprends. C'est très, très salé quand même. Ouais. C'est quand même très salé. Ouais. Et j'en ai mis quand même beaucoup dans le caramel. J'ai mis à peu près une cuillère à soupe dans le caramel. Je pense qu'une mini pincée dans le chocolat noir, dans la ganache, ou pas du tout, ce serait suffisant. Mais c'est vraiment bon, là. Ah, oh, wow. C'est crémeux à souhait. Le mélange sucré-salé est hallucinant. Ça vient de prendre la position numéro 1, là. Mais facilement, dans toutes tes recettes jusqu'à maintenant. C'est très réussi. Donc, c'est une tarte à la ganache, au caramel, au sel. C'est caramel salé. Ça a un nom officiellement, cette histoire-là. Tarte choco-caramel au sel de mer. J'ai fermé la page des photos. Quelle idée. Oh, c'est juste vraiment, vraiment juste trop écœurant. La recette au complet va être sur assemblagerequis.com. On a les photos sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Encore une fois, c'est dans les albums photos. Et cliquez sur la première photo du groupe qui se nomme Tarte Choco Caramel et Sel de Mer. Si vous aimez le chocolat, le caramel et le contraste sucré-salé, vous allez juste vous rouler à terre avec cette tarte-là. Oh. C'est juste malade. C'est parfait. Oh, wow. Et comme toujours, à la fin de chaque chronique, c'est le moment des trucs et astuces. Et astuces. Truc et astuces. C'est les trucs et astuces de Master Steph. Oui, Mathieu. Oh, trop d'enthousiasme. Ouais, ça a l'air trop vrai, là. Ça a l'air trop vrai. Faire mûrir vos fruits. OK. Hein? Ça veut dire qu'en plaçant des bananes près de votre avocat ou de tout autre fruit, notaire, il va le faire mûrir plus rapidement. Tu mets une banane avec le fruit que tu veux faire mûrir et ça va mûrir plus rapidement. Ah, ouais. Même si tu veux, tu peux le mettre dans peut-être un sac de papier brun. Ça, j'avais parce vu, que ouais. la banane va... Mais avec une banane. Ah, oh, ouais, oh. Parce que la banane, elle rejette un gaz que j'ai oublié. J'ai juste éthanol dans la tête, mais... Je suis vraiment pas sûre, mais on s'en fout. Ça rejette un gaz qui va faire mûrir les autres fruits à proximité. Wow. Donc, justement, faire attention si vous avez un fruit et vous voulez pas qu'il mûrisse trop vite, éloignez-le des bananes. Donc, quand vous avez un panier de fruits, mettre les bananes avec les pommes, tout ça, c'est peut-être pas une bonne idée parce que ça va faire trop mûrir vite. C'est ça. Donc, il faut quand même être conscient de l'effet que vos bananes vont avoir sur les autres fruits. Il faut tout le temps considérer l'effet que votre banane peut avoir sur autrui. Exactement. Voilà. Ensuite, pour conserver les oignons, hein, vos oignons ne germeront pas si vous les enveloppez séparément dans du papier d'aluminium après les avoir ébouillantés. Donc, très, très rapidement, on va faire blanchir les oignons. Ils resteront frais plus longtemps et se ramolliront moins vite. Eh bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec du jus de citron? Si vous ne voulez que quelques gouttes de citron, c'est dans mes oreilles, ça. Si tu veux rien, juste une coupe de gouttes de citron, OK? Puis c'est tout. Puis tu veux pas gaspiller le reste du fruit, mais tu vas prendre un cure-dent, tu vas percer le fruit et tu vas presser, il va sortir quelques gouttes de ce trou-là. OK. Et ensuite, pour conserver le citron, tu vas remettre le cure-dent dans le trou, tu mets au réfrigérateur et voilà. Ouais. Ensuite, si tu veux enlever les impuretés dans de l'huile à friture, quand l'huile est chaude, tu vas y verser un blanc d'œuf. Et en se coagulant, il va absorber tous les petits débris. Et vous n'aurez plus qu'à le jeter. Et ça va avoir ramassé tous les petits débris dans votre huile de friture. Magnifique. Et finalement, la salière. Tu sais, des fois, quand on va secouer la salière au-dessus d'un liquide qui émet de la vapeur... Hein, oui, ça a toujours été ma crainte que ça remonte dans le truc de sel. Bien, ça arrive. Donc, ouais. Souvent, ton sel va peut-être commencer à coller ensemble, va prendre l'humidité. Eh bien, si tu veux garder ton sel toujours au sec, tu vas y mettre quelques grains de riz dans ta salière. Ah. Ça fait un peu le même principe quand tu échappes ton iPhone dans l'eau et tu le mets dans le riz, là, ta batterie. Ouais. Là. Ben, c'est un peu la même chose. Donc, le tu vas batterie. Mettre... Hein? La batterie, ça, c'est le riz de Batman. La batterie. J'avais pas vu ça comme ça. Voilà. Mais effectivement, donc tu mets quelques grains de riz dans ta salière et voilà. Parlant de Batman, je me suis acheté un car freshener de Batman. Ouais, cool. Ça a vraiment beaucoup la vanille, je l'adore. Batman, c'est connu qu'il sentait la vanille. Dans les bars dessinés, je pense qu'ils ont amené ce facteur-là. Il y avait du scratch and sniff. C'est ça. Sur son chest. Ouais. Exactement, super. À la vanille. Wow, c'est productif tout ça. C'est tout pour les trucs et astuces. C'est déjà tout. Master Steph, on fait ça les mercredis, en fin d'émission à 9h. Puis on a bien du fun. Puis ouais, puis c'est bon. Ouais. C'est... Surtout aujourd'hui. On aime ça. Ouais. Oh. Assemblagerequis.com, Facebook.com, Marlec Assemblagerequis pour les informations. Nous, on va faire notre pendant encore plus malbouffe et moins travaillant demain. Une grosse pointe à l'adresse. Ben oui, on remet ça et on remet. C'était supposé être mardi, c'était supposé être mercredi. Ce sera demain, parce que demain, on va avoir le temps, c'est ça. Ben oui. Et puis une chose à la fois, la mandine, c'est du sucré qu'on a mangé aujourd'hui, fait qu'on va pas ambitionner trop la note. Ben, c'était quand même salé! Comme pas mal salé, finalement, quand on y pense, tu penses? Donc demain, une grosse pointe à l'adresse. Pour l'instant, ça va être la fin de notre émission pour aujourd'hui. Hein? Ah oui! T'es sérieux? Je te jure. Oh non! Promesse. Mais oh! On va être de retour demain entre 6h30 et 9h30 pour une nouvelle édition d'Assemblage Requis en direct à partir de 7h30. Sur nos ondes aujourd'hui, restez là pour le dîner de con qui commence à 11h. Ensuite, c'est à 13h pour connaître ensemble, émission sur la périnatalité. Je serai de retour avec Jean-Philippe Charbonneau pour les Palmarès C'est fou à partir de 14h. À 17h, c'est David Ferron. En fait, il va être en direct aujourd'hui à Palmarès du Monde. D'habitude, il est en différé, en reprise. À 18h, c'est Audiomatique. 19h, Les Audacieuses. C'est fou.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission. Les balados diffusion. On remercie Marie-Laurence Audet. Oui, merci Mathieu Plante. Merci à toi, Stéphanie Paradis. Plaisir. On se retrouve demain. Oui. Pour une autre belle émission. Toujours. On se quitte avec la dernière nouvelle entrée. C'est la seule qu'on n'a pas entendue jusqu'à maintenant de cette nouvelle semaine des Palmarès. C'est fou. C'est par la formation And You Will Know Us by the Trail of Dead. On s'en va entendre A Million Random Digits. Et on se retrouve demain. Il y a donc bien des affaires. C'est dans mes longs, ça. Ouais, c'est. C'est comme dire trois fois qu'on va se retrouver demain. T'sais. Quand? C'est redondant. C'est demain à 6h30, mais pas tant. Plus à 7h30 en direct, mais soyez à 6h30 parce qu'il y a une heure de bon matériel juste avant. Bye!